Alors surtout, dites-moi oui, demain ce sera à 15h avec vous bien sûr, comme chaque jour en direct sur RTL. D'ailleurs, profitez-en, envoyez-nous vos photos de mariage et puis on se fera un plaisir de les commenter sur cette antenne. On vous attend donc sur Facebook et sur Twitter. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Laurent Ruquier qui a épousé de nombreuses grosses têtes. Et moi, je vous dis à demain. RTL, il est 16h. Les infos, c'est avec vous, Céline Landreau. Céline. 60 000 manifestants à Paris cet après-midi, seulement selon les syndicats qui en attendaient 100 000. Pas encore de chiffres du côté des autorités, alors que la tête de cortège qui s'était lancée peu après 14 heures de la place de la Bastille est revenue au point de départ après une petite boucle d'un kilomètre 6. Gauthier Delombugard, vous suivez ce rassemblement pour RTL sans incident majeur pour l'instant. Oui, effectivement, le cortège arrive au bout du parcours. Les militants, plusieurs milliers, quittent petit à petit la place de la Bastille par les rues adjacentes. Pas d'incident majeur, donc seulement quelques fumigènes allumés, des slogans anti-policiers. Et puis la présence pacifique pour le moment, ça et là, de jeunes avec des cagoules sur le visage. Le dispositif de sécurité semble fonctionner. 95 personnes ont été interpellées au niveau des barrages filtrants. Certains détenaient dans leur sac des objets comme des barres en métal. Et puis, sécurité assurée également par ces grilles et ces camions de gendarmerie installés sur toutes les artères qui bordent le parcours, des forces de l'ordre, boucliers en main et casques sous le bras, qui vont rester en place jusqu'à ce que tous les militants quittent la place de la Bastille. Merci Gauthier Delombugard en direct de la place de la Bastille, donc pour RTL. D'autres manifestations avaient lieu en région aujourd'hui. Quelques incidents ont signalé à Rennes, notamment autour d'un commissariat. À la une également ce jeudi, le référendum pour ou contre le Brexit. On vote de l'autre côté de la Manche pour le maintien du Royaume-Uni ou une sortie de l'Union européenne. Selon un dernier sondage publié aujourd'hui, le IN serait en tête des intentions de vote à 52%. Le poste était vacant depuis plus d'un an. Le pape a reçu aujourd'hui Philippe Zeller, le nouvel ambassadeur de France auprès du Saint-Siège au Vatican. La météo, avec toujours cette alerte orange aux orages de la Loire-Atlantique à Allène, 16 départements du Nord-Ouest sont toujours concernés. Demain, le temps sera pluvieux, orageux sur une grande partie du pays. Un ciel chargé avec des averses demain matin de l'Aquitaine à la Belgique et parfois donc des orages, plus de soleil ailleurs. Les températures de 11 à 24 degrés demain matin, de 18 à 37 l'après-midi de la Manche à la Provence, comptez 24 à Paris. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. Les courses maintenant à Bordeaux, la teste cet après-midi. Et c'est vous, Bernard Glass, qui les suivez pour nous. Tout à fait, Céline, avec un rappel de l'arrivée du Quintet. C'était la troisième épreuve, le numéro plus 2215 et la bonne combinaison, le 17, le 13, le 15, le 4 et le 12. Et je vous indiquais ce tiercé dans le désordre en 7 chevaux. La cinquième course, le 6, était non partant. C'était un pic 5. C'est le 8 Chartreuse qui s'impose, 4-10 et 1-90, devant le 3 Al-Aya, 3-40 et le 12 Joie d'Argent, 6 euros placés. Quatrième, le 7, cinquième, le 9, 8, 3, 12, 7 et 9 pour cette cinquième épreuve. Et la sixième a vu la victoire de l'As Eliminator. 8, 10 et 2, 70 devant le 3, Calamari, 4, 60 et le 7, Orangefield, de 3, 50. Quatrième, le 9, 1, 3, 7, 9. La sixième, la suite et la fin des arrivées dans une heure. Merci Bernard. À tout à l'heure. Il est 16h03. Vous écoutez RTL. Et tout de suite, c'est le moment de retrouver les grosses têtes et Laurent Ruquier. RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui ne pensait pas qu'on pouvait entendre pire ici que dans les salles de rédaction, Christine Ockrent. Une grosse tête dont on n'ose pas dire qu'elle est généreuse, de peur qu'elle le prenne mal, Caroline Diamant. Une grosse tête qui sera de retour sur M6 avec L'Amour est dans le pré dès le 11 juillet, quand le football sera terminé, comme par hasard, Karine Le Marchand. Bonjour. Une grosse tête qui ne klaxonne jamais quand il est bloqué derrière un camion poubelle parce qu'il aime observer les bonhommes verts, Grishka Bogdanov. Une grosse tête qui est parfois un peu rêveur, pour ne pas dire dans la lune, Stevie Boulet. Oh non. Pardon, non. Et enfin, Une grosse tête qui ne fait pas de compte à rebours avant de déclencher une fusée, Laurent Baffy. Bonjour. Ah, il y a longtemps que vous avez vu Grishka Bogdanov, on est content de vous retrouver. C'est Igor, c'est Igor. Ah non, c'est Grishka. Oui, c'est Igor. Bien sûr. Ce qui est certain, c'est que je suis... Comme l'a dit il y a quelques jours, nous étions en Fort Boyard. Et là, je rencontre. C'est pas vrai. Oh, mais imagine. Il est sympa, Passepartout. Vous avez fait le saut à l'élastique, manifestement. Oui. Bien sûr. Ah, parce qu'il est tiré, c'est ça. Voilà, exactement. Et je suis à La Rochelle, et là, je vois une dame qui était avec son chien. Qui était en train de venir vers moi. Elle tire sur la laisse du chien. Le chien n'était pas du tout intéressé par moi. Elle me dit, mais enfin, tu le reconnais ? Et là, le chien lève la patte. Et elle répond, mais enfin, tu vois bien, c'est les frères Bogdanov. Ah si, elle est jolie quand même. C'est bien, c'est bien. On est content de retrouver Christine O'Krent aussi, évidemment. Ben oui, moi aussi. Qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. C'est la vraie Christine O'Krent. Ben oui, mais oui, je me sentais c'est abandonnée. Chazal. Pardon ? C'est Chazal. Je me sentais abandonnée. Mais non, c'est pas Claire Chazal. Si, c'est Claire Chazal. Elle est beaucoup plus jeune, Christine. Voilà. Voilà un garçon qui sait regarder les femmes. C'est vrai. Une première citation, si vous le voulez bien, pour Madame Nadine Drevon, qui habite la Buisse, dans l'Isère, qui a dit, les dirigeants de l'Europe sont aussi indépendants du système financier que ma couille gauche l'est de ma couille droite. Oh. Chirac. Non, ça peut pas être Jacques Chirac. C'est non. Pas Jacques Chirac. Alors, paradoxalement, c'est très actuel, mais ça a peut-être été prononcé il y a au moins 30 ans. Non, c'est plutôt récent. DSK. Ah. DSK, non. Mélenchon. Mélenchon, c'est pas un Français qui a dit ça. C'est un Français qui a dit ça. Un politique ? Un politique, non, mais il se mêle de politique. Laurent Baffy. Laurent Baffy, non. Quelqu'un qui travaille sur Canal+. Non, non. Canteloup ? Canteloup, non. Journaliste ? Journaliste, non. Humoriste ? Humoriste, oui. Laurent Gérard ? Laurent Gérard, non. Les dirigeants de l'Europe sont aussi indépendants du système... À l'évêque. Christophe à l'évêque. Oh, bonne réponse de Christine O'Krent. Évidemment, indépendant du système financier que ma couille gauche l'est de ma couille droite, c'est quand même dû à l'évêque pur jus, comme on... Enfin, pur jus. Évitons. Une autre citation pour Camille Barry, qui habite Chadrac, qui a dit « Les sondages, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils pensent. » Sarkozy ? Sarkozy, non. C'est pas un homme politique. Ce n'est pas un homme politique, même s'il a tenté de faire de la politique. C'est un Français ? Hein ? Les sondages, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils pensent. Coluche ? C'était un Français et c'est Coluche. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre citation, et ce sera cette fois pour Christine O'Krent, car je pense qu'elle est la seule à pouvoir retrouver l'auteur de cette citation. Franchement. C'est bien, on se sent pas exclu. Monsieur le Président. Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Écoutez bien cette belle citation, cette belle phrase. Et c'est vrai que je l'avais mise de côté, cette citation. J'attendais que Christine O'Krent soit là parce que je pense qu'à part elle. Oh, c'est un politique. Je vois peu de gens qui sont capables d'en retrouver l'auteur. À part peut-être monsieur Bogdanov. Non, Stevie, non, faut pas rêver quand même. Oh, parfois je vous surprends. Non, mais j'aime pas parce que on dirait que vous nous dites d'une certaine manière, éteignez vos cerveaux. Ils sont déjà éteints, là. J'adore la façon, Laurent, dont vous avez réglé le problème. Quel problème ? Vous dites monsieur Bogdanov. Vous faites plus chier que le prénom. Qui a dit, écoutez bien Christine, mais c'est valable pour les autres aussi, cette citation pour Carole Burkel qui habite Saint-Jean-Courtzerode, c'est en Moselle. Qui a dit, monsieur le président, je retire ce que je viens de dire, à savoir qu'une moitié du gouvernement est composée de crétins. Une moitié du gouvernement n'est donc pas composée de crétins. C'est français ? Est-ce que vous avez compris ? Oui, bien sûr, oui, c'est un ministre. C'est assez drôle quand même. Clémenceau ? Ça vous fait pas rire, mais c'est drôle quand même. Si, c'est très drôle, ça fait un peu des proches, moi. Churchill ? Churchill, non. Clémenceau. Il est britannique ? Alors, c'est quelqu'un qui était britannique. Cromwell ? Un premier ministre ? Quelqu'un qui a été premier ministre. Wilson ? Cromwell ? Non. Else ? Disraeli. Benjamin Disraeli. Bonne réponse de Christine O'Krent. Oh Là, il y a eu coup de fil la veille, là, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous dites? Il y a eu un coup de fil la veille. Non, genre. On aurait pu répondre aussi. Benjamin Disraeli, vous connaissez Stevie? Ben, oui, on connaît tous les premiers ministres britanniques, pratiquement. Moi. Bien sûr. Vous connaissiez Benjamin Disraeli, vous? Oui, bien sûr. C'était Eden, après il y a eu. Il y a eu Callaghan. Il a été premier ministre quand, Benjamin Disraeli, qu'on sache un peu? Oh, je sais pas, il y a longtemps. Ça remonte. Là, je peux pas vous donner les dates, mais on connaît, par exemple, Thatcher, je peux pas vous donner. Si elle, c'était 79, 90. Ah, Thatcher, oui, évidemment, ça 79, 90. Le premier, c'était Churchill. Après, il y a eu Eden. Après, il y a eu Wilson. Ah, mais si on joue, on apprend des mots par cœur et on les récite, alors moi aussi, la prochaine fois, je prépare un truc. Bah non, Christine O'Crendt, quand elle vous cite Benjamin Disraeli, elle le connaît tout de même, voyez. Christine, oui. C'était la reine Victoria à l'époque, quand il fut premier ministre. Voilà. Ah oui, il est pas frais, là. Ah ben, mais c'est comme ça. Mais il était, paraît-il, très très drôle, ce Benjamin Disraeli. Et il a écrit plusieurs romans. Il est mort à 76 ans en 1881 à Londres. Donc c'est vraiment un homme politique du 19e siècle, cher Stevie. Retenez ça pour votre gouverne. Vous connaissiez Bogdanov? Pourquoi vous vous mariez tout seul dans votre coin, Bogdanov? Non, Disraeli, en effet, c'était un personnage important de... Ça y est, il va nous faire le CV. Ah mais c'est des génies, ces gens qui ne savent rien, en fait. Ils prennent la parole après immeuble, une fois que tout le monde a donné les bonnes réponses. Des perroquets jumeaux, j'en avais jamais vu. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Bonjour, c'est Stéphane Carpentier. 4h30, 7h, RTL Matin. Tout savoir sur l'actualité, mieux comprendre les débats qui animent le pays, découvrir les tendances qui vont changer notre quotidien. Je vous retrouve tous les jours dès 4h30 avec la fine équipe et Marina pour les petits matins de RTL. Un seul mot d'ordre, la bonne humeur, grâce notamment à notre bloc-notes quotidien pour bien démarrer la journée. Ça vous concerne, Marina? Selon les chercheurs, on doublerait notre consommation d'alcool pendant leur congé. Rendez-vous demain de 4h30 à 7h sur RTL. Le jeudi 23 et vendredi 24 juin, Leader Price frappe encore plus fort sur les prix. Le kilo de pêche blanche est au prix imbattable de 1,49€. Oui, vous avez bien entendu, seulement 1,49€ le kilo. À ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Et c'est uniquement chez Leader Price. Pêche blanche catégorie 1, calibre 61-67mm, origine France. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. RTL. Bel après-midi à vous sur RTL avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Une question pour Cécilia Cognier qui habite Saint-Julien-Molin-Molette. C'est dans la Loire. Pourquoi vous riez-vous, Stevie? Parce que vous inventez des noms de bled. Oui. Pas du tout. Et des noms de personnes. Saint-Julien-Molin-Molette, c'est dans la Loire. Vous pourrez vérifier. Madame Cognier. On a accès à foutre, ça tombe bien. Madame Cognier vous attend. Vous irez à sa porte. Et Madame Cognier vous ouvrira. La question, la voici. Elle concerne quelqu'un. Et si vous avez lu le Nouvel Obs, vous saurez forcément répondre. Quelqu'un qui publie, ça vous coûtera 15€, un livre aux éditions La Fabrique, 180 pages, qui s'appelle « Une lutte sans trêve ». Mais comment s'appelle cette femme de 72 ans qui publie « Une lutte sans trêve » ? Elle est connue ? Ah, très connue. Française ? Française, non. Anglaise ? Anglaise, non. Américaine ? Américaine, oui. Elle a fait de la politique ? Ah oui, elle s'est mêlée de beaucoup de politique. Noire ? Noire, oui. Donc elle fait référence à la lutte contre le racisme. Entre autres. Rosa Parks. Rosa Parks. Elle n'a pas 72 ans, elle est morte. Elle est morte. C'est un peu ancien. Elle publie moins de livres aujourd'hui. Angela Davis. Angela Davis. Angela Davis. Bonne réponse de Laurent Baffy. Yeah. J'ignorais, moi, qu'elle fût encore vivante. Mais moi aussi. Pour tout vous dire, Angela Davis. Et j'ai vérifié, effectivement, parce que je crois pas tout ce qu'il y a dans les journaux. Et effectivement, Angela Davis est toujours vivante. Elle a 72 ans. Et ce ne sont pas ses mémoires, d'ailleurs, qui sont publiées, mais c'est un livre d'entretien qui s'appelle Une lutte sans trêve. Ça vous coûtera 15€, je vous l'ai dit. Et c'est publié en France sous ce titre. Mais c'est assez incroyable parce que c'est vrai que je pensais qu'elle était morte, moi aussi. Mais elle vécut en France, avec les Black Panthers. Etc. Comment vous Sous Giscard. C'est joli. Oh, c'est joli comment c'est elle beau. A dit. Black. Comment vous dites on, les Black on dirait Ariel Dombal. Non, non, c'était bien avec l'accent. Black Panthers. Ouf. On dirait Ariel Dombal. Ça me fait elle vibrer. Elle parle anglais. Les Black Panthers. Panthers. Panthers. Panthers. Ce serait bien que vous fassiez un stage avec Christine en anglais. Ça se trouve, on vous retrouverait bilingue à la rentrée. Et les Black Panthers, c'est quand vous avez oublié de changer le gamin. <C'est ça. rire> Notre Angela Davis, à nous, c'est un peu Karine Le Marchand, il faut le dire. Oui, bien sûr. C'est vrai. Moi, je lutte pour l'agriculture. Non, toi, tu tures le... Elle n'est pas la seule, on se bat, on se bat. Une question pour Muriel Lassus, qui habite... Oh, bah tiens. Oh, voilà. Je vous jure que je n'invente pas. Mais bien sûr, Laurent, c'est le hasard, c'est oui. Ça qui est beau. Vous voulez que je vous prouve ? Après, il y aura Madame Laffion, après. D'ailleurs, j'ai écorché son nom, parce que pour vous dire la vérité, elle s'appelle... Mais je pensais que ce serait trop... Elle s'appelle Muriel Lassus. Oh, ils sont donc plusieurs. Et je vous jure que c'est vrai, elle a I2SUS. Oh, c'est dur, ça. Et elle habite les... Ça doit être très dur pour elle. Elle habite à Laval, j'imagine. Elle habite les Alus, c'est en Savoie. Ça, c'est une Alus quand ils sont plusieurs. Et la question concerne M. François Rebsamen, vous savez, l'ancien ministre du Travail, longtemps, je ne sais pas si tu es encore maire de Dijon. Maire de Dijon. Oui, toujours maire de Dijon, et qui est inquiet. Inquiet parce qu'il aimerait bien récupérer quelque chose qui était dans un musée à Bruxelles, mais comme le musée vient de fermer, il réclame qu'on lui rende quoi ? Ah, un tableau. Un tableau, non. Les clés de la ville ? Les clés de la ville, non. Et ça a un rapport avec les six, ceux qui ont défend. Oh, les bourgeois de Dijon. C'est pas bourgeois les bourgeois de Calais. Alors, ça n'a pas de rapport avec les bourgeois de Dijon. Oh putain. Oh le crash. J'aimerais pas que vous soyez passeur pour migrants. Hein. Même interprète. T'imagines les migrants qui se retrouvent à Dijon pour passer en Angleterre. Non, est-ce que ça part... Oh, raison. Est-ce qu'on cherche quelque Laurent, chose Laurent, c'est un objet ou un document ? Ah, c'est plutôt de l'ordre de l'objet. Objet n'étant pas le mot absolument adéquat, mais on va dire que c'est plutôt de l'ordre de l'objet que du document. Encore que, on peut considérer ça comme une sorte de document. Et ce aussi. N'est pas une œuvre d'art. Ah non, pas du tout. Est-ce que ça a de la valeur parce que ça, l'objet a de la valeur ou est-ce que ça a de la valeur à cause de la symbolique ? Oh oui, c'est plutôt symbolique, sentimental. Ça a appartenu à quelqu'un de connu. En tout cas, ben oui, puisque je vous dis que c'est à Monsieur Rebsamen. Est-ce que c'est quelque chose qui appartenait à l'un de ses ancêtres ? Du tout, ça lui appartenait à lui, à Monsieur Rebsamen. Mais genre, c'est quelque chose, il est rentré avec, une il sacoche, l'a oublié, une serviette. Et le musée a fermé. Non, non, c'est parce que... Un cartable. Non, pas du tout, c'est simplement parce que ce musée avait demandé à Monsieur Rebsamen un don qu'il a fait. Alors j'ai une idée. Allez-y. C'est un portrait d'un président signé, dédicacé par le président. Pas du tout. Un buste de Marianne. Retournez à Dijon, vous comprenez. Je vais passer par Calais, je vais me reposer un peu. Un buste de Marianne. Oh, la moutarde de Calais. Oh là là. Je dois dire qu'en fin de saison, tout ça s'embrouille un peu. Bon, ça tient dans la main ou pas? Il a raison, on repart des bonne bases. Question. Oui, oui, bien sûr. Enfin, dans la main, par la main. Est-ce qu'on peut l'agiter frénétiquement ? Oh oui, oui, oui, oui, oui. Est-ce que c'est vivant ? Oui. Non, je veux dire, c'est pas un animal. Un bilboquet ? Non, non, non. C'est un jeu ? Non, non, non. Est-ce que c'est quelque chose qui a appartenu lorsqu'il était petit ? Non, non, non, non, non. Et comment se fait-il qu'il avait un tel objet de valeur en sa possession ? Mais je vous dis pas que ce soit forcément un objet de c'est valeur. Symbolique. Mais enfin, un musée vous demande pas de leur prêter un vieux pull troué à vous. Ça dépend de quel musée il s'agit. Ah, bah, il avait un morceau du Saint-Suaire. Non, pas du tout. C'est pas le musée des Manneken Pis ? Le fameux Saint-Suaire de Milan. C'est pas un musée qui représente des Manneken Pis ? Non. Et ce musée le Manneken Pis, il aurait rien pu laisser dans ce musée. C'est un vêtement. Un vêtement ? Ah, un vêtement, oui. Une feuille de vigne. D'ailleurs. Oh. Ah, sa robe d'avocat ? Sa robe d'avocat, non. Son écharpe d'Hermine ? Non. Un slip. Un sous-vêtement. Un sous-vêtement, oui. Il a donné son slip. Il a donné son slip. Oh. Bonne réponse. Ok. De Karine Le Marchand. Et pourquoi le slip était-il au musée? On peut le comprendre, c'est sa seule façon de laisser une trace dans l'histoire. Il fallait que ce soit quand même une spécialiste qui réponde. Merci Karine. C'est atroce. Bah, tout simplement parce que c'était le musée du slip à Bruxelles. Oui, mais quelle idée de demander un slip de Brad Pitt, je peux concevoir, mais de François Rebsamen. Mais parce qu'il a dû passer par Bruxelles, monsieur Rebsamen. Il n'est pas le seul d'ailleurs, puisqu'il y avait le slip de Plastic Bertrand, de Guillaume Durand. Il y a celui de... Hey, tu m'étonnes qu'il a fermé le musée. Non, il n'a pas fermé les sous-chapiteaux. C'est le slip de Guy Carlier qui fait la tête. Le slip d'Axel Red, le slip de Jean-Michel Ribes, de Jean-Marc Barr et même du vice-premier ministre belge. C'est évidemment un humoriste et réalisateur belge qui avait ouvert ce musée du slip en 2009. Un musée désormais fermé, hélas, car on serait bien... Oui, on se serait précipité. Parce que vous qui connaissez bien la Belgique, Christine... Vous n'avez jamais... J'ose même pas vous poser la question. Ne la posez pas. Alors écoutez, pas c'est... Pas cette occasion. C'est Christine a déjà fait un don au musée du stérile, elle est dans tout cas. Quelle horreur. Non, dis pas ça de Madame Mokrent, Monsieur Baffy. En tout cas, quand vous m'avez demandé si on pouvait agiter... Oui, on peut agiter sa culotte ou son slip. Ah bah oui, hein, on voyez. Confirme. Mais Raymond Barre avait cédé un petit pantique, j'ai très bien fait le musée. Vous cherchez des solutions épargne pour la transmission de votre patrimoine à la retraite? Bénéficiez de toute l'expertise d'AXA en assurance vie pour transmettre à vos proches. Même si vos priorités changent à la retraite, vous serez toujours vous et toujours bien accompagné avec AXA. Rencontrez votre conseiller AXA ou rendez-vous sur axa.fr. Dans un instant, les grosses têtes reviennent avec Laurent Ruquier sur RTL. Je suis l'étiqueteuse de chez Castorama. Et pour vous encourager à aller jusqu'au bout de vos projets, je distribue les petits prix. En ce moment, ça n'arrête pas. Jusqu'au 3 juillet, ce sont les soldes d'été chez Castorama, avec jusqu'à 70% de réduction. Alors foncez. Mais attention, premier arrivé, premier servi. Sur articles signalés en magasin et sur castorama.fr, date légale selon préfecture. Disney et Pixar présentent... Dory! Ah oui, Dory, la star du monde de Nemo est de retour. Mais pourquoi déjà? Je cherchais quelque chose, enfin, je crois. Ah, et le film, c'est quoi? Dory! Ah yes, et ça sort... On va pas y passer la journée. Le monde de Dory, c'est un film génial et magique qui sort le 22 juin au cinéma. Alors faut y aller, mais pour aller voir quoi? Le monde de Dory, actuellement au cinéma! Avec RTL. Quand on est un vin du Val-de-Loire et que l'on voit la vie côté rosé, alors tous les mariages sont acceptés. Cabernet d'Anjou, c'est l'alliance réussie de notre onde et acidulée avec des recettes apéritives aussi bien sucrées que salées. Alors vous aussi variez les saveurs et osez un Cabernet d'Anjou salade de fruits pour voir sa robe rose, framboise, tournoyée ou un Cabernet d'Anjou verrine de saumon pour goûter à ses reflets saumonés. Avec Cabernet d'Anjou, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vin du Val-de-Loire, tous les vins sont dans sa nature. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL. 16h-18h sur RTL, vos grosses têtes avec Laurent Ruquier. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Monsieur Daumur, Emmanuel Daumur. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes dans l'Allier, vous avez 36 ans. Que faites-vous dans la vie, Emmanuel? Conseiller respiratoire. J'ai rien compris. Vous conseillez aux gens de respirer pour vivre. C'est pas con. Vous leur apprenez à respirer avec le ventre et non pas avec la poitrine. Je mets en place du matériel en fait respiratoire à domicile ou à l'hôpital selon les pathologies. Voilà. Ah. Conseiller respiratoire. Ah, oui, il y a beaucoup de gens qui ont des insuffisances respiratoires. Oui, tout mais tout le fait, terme à vous. Sommeil et... aussi. Ah oui. Ah oui, l'apnée du sommeil, oui. Ah, ça c'est épouvantable. Et qu'est-ce qu'il faut fatigue. Faire pour se débarrasser de ça? Bah, éviter faut, de... faut dormir avec un tout petit masque et ça apporte un confort. Ça un fait réel du bruit, confort. Hein. Pardon, mais expliquez-moi pourquoi quand je rêve que je baise, je me réveille trop tôt et quand je rêve que je piche, je me réveille trop tard. Comment inverser ce système Emmanuel, avec un masque. Ne répondez pas, respirez. Et pendant ce temps, je vais vous proposer un joli séjour au château de Pizet. Le château de Pizet, c'est un hôtel 4 étoiles. Une suite duplex vous attend là-bas, dans le cœur du Beaujolais. Je ne vais pas vous rappeler tous les avantages de ce lieu magnifique. Allez voir sur château-pizet.com. Vous êtes prêt, Emmanuel? Je suis prêt. Voici la question. On nous parle dans la presse aujourd'hui de Monsieur Cadeau, qui va avoir une dure journée. D'ailleurs, elle a sûrement commencé sa dure journée. Pour quelle raison, monsieur Cadeau, a-t-il aujourd'hui une dure journée? Oh, monsieur Cadeau, pourquoi il a une dure journée? Michel, je peux même vous donner son petit prénom, si vous voulez. Michel Cadeau. Monsieur Cadeau, Michel. Monsieur Cadeau, Michel. Et son ami, l'ami Cadeau. Il est vigneron à huiler. Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, il préférerait, à mon avis. Ah oui, ah, vous savez qui c'est, monsieur Cadeau, vous, ouais, Christine Ockrent. Ah, méfiez-vous, attention, dans 10 secondes, la réponse va tomber. Car moi, je sais pas, mais j'ai une idée. Madame Ockrent sait qui est monsieur Cadeau, voyez-vous. Michel Cadeau, ça s'écrit C-A-D-O-T, si ça peut vous aider. Ah, bah voilà. Ah bah oui. Vous n'êtes pas, bah, qui vous, voilà, file la réponse, hein. Vous allez vous faire engueuler, Laurent. Ah, il serait pas préfet de police à Paris, des fois. Eh oui, alors, et pourquoi il va être embêté aujourd'hui? Parce qu'il est face à Nuit Debout. Hein. Et pas seulement, non. Aujourd'hui, Nuit Debout, ça fait des mois que ça dure. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Il est responsable des humiliations et des violences policières. Non, attendez. arrêtez de lire bêtement, réfléchissez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Paris? À cause des manifestations pour la loi travail. Eh ben voilà, vous voyez, il suffit de réfléchir un peu. C'est fou quand même. Non mais ça, je trouve que c'est assez révélateur. Aujourd'hui, on ne réfléchit plus. On va chercher sur un ordinateur ou sur son iPhone une réponse, alors que si parfois on fait juste un peu marcher son cerveau, on a la réponse, n'est-ce pas, Emmanuel? Tout à fait. Eh oui, Michel Cadeau est préfet de police à Paris. Il va donc surveiller les manifestants qui tournent en rond autour du bassin de... C'est quel bassin, d'ailleurs? Aquitain, je crois. Ah, le bassin... Je suis pas sûr. Alors, parce qu'en fait, ils partent de Bastille, ils tournent autour du bassin et ils reviennent à Bastille. 1,5 km. Voilà, 1,5 km. J'espère qu'au moment où je vous parle, tout se passe bien, mais c'est une manifestation assez étonnante. Ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est qu'un conseiller de M. Manuel Valls est déclaré, et je ne sais pas si vous avez vu ça dans le Parisien aujourd'hui, puisque vous savez que M. Valls voulait interdire la manifestation. Après, il voulait qu'elle soit statique. Évidemment, la CGT a refusé. Et il y a un conseiller à Matignon qui a dit « Tout le monde est gagnant ». Valls parce que la manif est un peu statique, les syndicats parce que c'est un peu défilant. Bon bah alors écoutez, à mon avis le conseiller devrait être promu. Non, parce que c'est vrai, ils bougent un peu sans vraiment bouger. Vous voyez, ils font le tour. Ils tournent en rond, en fait. Hein. C'est comme ça que tournent ça se passe. Oui, enfin, il y a beaucoup de gens qui tournent en rond. C'est vrai. Oh, ça balance aujourd'hui. Non, mais vous avez raison, ils vont forcément rester sur place, du coup, s'ils sont nombreux. Comment ça? Bah, si ça fonctionne, quand la boucle est petite et qu'il y a beaucoup de monde, vous ne pouvez pas avancer. Donc, c'est comme s'ils piétinaient. Donc, ils seront sur place. On sent Caroline a raison. Ah, oui. Merci, Christine. On sent une experte des soldes. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. S'ils sont trop nombreux, ils ne pourront pas tourner. Sur place. Si, ils peuvent tous bouger en même temps. Vous voyez ce que je veux mais dire? Mais non, parce que sinon, c'est la ronde et il faut se prendre la main, il faut chanter. Ce ne serait pas une ronde, ce serait une valse. En tout cas, vous avez gagné, Emmanuel. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe, merci à vous tous, c'est un plaisir. Vous écoutez les Grosses Têtes depuis longtemps? Depuis très longtemps, et puis encore plus assidûment depuis que vous avez pris la relève. Je fais pas mal de kilomètres, donc mignon. Du coup... Bon, vous avez déjà gagné. Bon, écoutez, c'est gentil, voilà, nous dit-on. Vous savez, je suis dans une période où j'aime les compliments, fatigué. Ça me fait plaisir, c'est la fin de saison. On part très bien habillé aujourd'hui, donc. On part en vacances bientôt, voilà, un petit compliment. Vous avez gagné une montre RTL en plus, Michel. Ça marche en plus. Emmanuel, et vous avez des chouchous, parce que comme c'est la fin de saison, c'est le moment quand même où je pense à ceux qui reviendront ou pas fin août, hein, puisqu'on reviendra très très vite à la fin du mois d'août. On aura des best-of pendant tout l'été, évidemment. Alors, qui je vire, qui je garde? Alors, vous pouvez garder plus ou moins tout le monde, mais en particulier Laurent Baffy. Je garde Baffy. Je reviens souvent dans les sondages. C'est un plaisir, Ok. Alors, je garde Laurent Baffy, d'accord. Chez les filles. Karine Le Marchand, évidemment. Bien sûr, sinon je viens plus. Et chez les gays? Aucun problème. Bénichou. Bah, en tout cas, vous partez au château de Pizet avec Madame Daumur. tout à fait, Madame Daumur, oui. Et puis les petits-enfants resteront chez les grands-parents. Eh ben voilà, exactement. Ça fait du bien. Comment si vous faites un compliment à Laurent, il va rajouter 4 places. Comment elle s'appelle, comment elle s'appelle votre épouse, Madame Daumur? Élodie. Élodie et Emmanuel, on vous souhaite un joli séjour au château de Pizet. Partenaire officiel du Tour de France 2016, RTL vous offre un pack VIP pour deux personnes, avec entre autres un survol en hélicoptère de la 10e étape du Tour de France, le 12 juillet 2016, dans les Pyrénées, de Escalde en Gordanie. À Revel, vous aurez le privilège de vivre les meilleurs moments de la course au plus proche des coureurs. Rendez-vous demain dans RTL Petit Matin avec Stéphane Carpentier pour découvrir l'indice du jour. Les grosses têtes sur RTL. Tes valises ? Mais on part qu'un week-end ! Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping ! Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles ! J'ai pas pu me retenir ! Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Casino. Bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casinomania. Alors vous, Julien, c'est quoi votre manie? Alors moi, pour encore plus savourer la promo sur le champagne éthique, je prends une bouteille, je vais me balader, et puis je reviens prendre la deuxième qui est gratuite. Jusqu'au 3 juillet, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'une bouteille de champagne Éthique & Co Monopole Brut Grande Cuvée 75 centilitres, la deuxième est à 0€ au lieu de 28€. Casinomania, encore et toujours plus fou! Avec Casino, prenez goût aux économies. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Retour dans le grand studio de RTL avec Laurent Ruquier, ses grosses têtes cet après-midi. Caroline Diamant, Christine Ockrent, Karine Le Marchand, Laurent Baffy, Grishka Bogdanov et Stevie Boulet. Une question pour monsieur Jean-Paul Loyer qui habite Bordes. Et d'ailleurs, il signalait en s'inscrivant sur RTL.fr. Merci de poser une question en l'absence de Florian Gazan. Bah, écoutez, ça tombe bien. C'est du sport. Vous êtes écouté, monsieur Loyer. Je pose effectivement la question en l'absence de Florian Gazan. Alors, ce n'est pas du sport, mais c'est lié au sport puisque ça y est, maintenant, on le sait, on en est sûr. L'équipe de France jouera contre l'Irlande dimanche prochain à 15h. Hein. C'est l'équipe que devra affronter évidemment la sélection de Didier Deschamps. France-Irlande ou France-R hein, pour être très précis, il s'agit de la République d'Irlande, alors que dans un premier temps on pensait affronter l'Irlande du Nord. Non, ce sera la République d'Irlande, les catholiques, hein, si je ne m'abuse, cher Christine O'Crane, c'est bien ça. Alors que on avait prévu d'affronter les protestants, on va affronter les catholiques d'Irlande. Enfin, les protestants et les catholiques qui se sont quand même beaucoup affrontés entre eux. Mais, ce qui d'ailleurs est assez étonnant, c'est qu'au rugby, ils ont la même équipe. Il n'y a qu'une équipe pour l'Irlande, alors qu'au football, il y a deux équipes nationales. Il y a bien une équipe du Pays de Galles et une équipe d'Écosse. C'est vrai, oui, mais là, deux équipes de religion, c'est très choquant. Comment ça, deux équipes de religion? Donc vous êtes en train de dire qu'il y a une équipe de catholiques et une équipe de protestants? L'Irlande du Nord appartient au Royaume-Uni. J'ai l'impression qu'elle n'est pas de géographie. Mais elle est malade, elle a une bronchite. Elle est sinus. Elle est jamais sortie de Levallois, cette fille-là. Non, mais la pauvre, quand elle met le doigt sur la carte, ça recouvre 4 pays. Là, faut avouer que c'est méchant, mais c'est de circonstance. Ma question concerne donc, je vais enfin pouvoir la poser, ma question, l'Irlande et le fleuve qui traverse l'Irlande. Ça, c'est pour Christine. Ça, c'est géographique, évidemment, car ce fleuve, il faut le dire quand même, est le plus long fleuve des îles britanniques, Grande-Bretagne comprise, puisque, sachez-le, même la Tamise, qui fait 346 km de long, est plus courte que ce long fleuve irlandais qui en fait 386. 386 km de long, ce fleuve qui traverse l'Irlande et qui s'appelle... Patrick ? Pourquoi Stevie, Patrick ? On ne demande pas parce le prénom d'un gars. Saint-Patrick, je me suis dit peut-être que le fleuve s'appelle le Saint-Patrick. Mais il n'y en a pas qu'en Irlande. Au Québec, il y a bien le Saint-Laurent. Vas-y, fais toutes les ex et après on va. Ah non, monsieur, j'en fais pas partie. Est-ce que c'est le Michaud ? Est-ce qu'on dit le quelque chose ? Ah oui, on dit le quelque chose, the quelque chose, évidemment. The Shannon. Shannon. The Shannon. Non. Bonne réponse de Christine Ockrent. Alors là, Elle m'a scié les pattes. Hein. On a vraiment... C'est pas de la merde, hein, notre Christine. Hein. On a vraiment une grosse tête. Ah oui, ah, oui. Ça, bah, elle a les moyens de voyager. Hein. Oh. Ah, tu penses qu'il n'y a que ça qui nous manque? Bah non, mais quand tu visites un pays que t'as de l'argent, bah, c'est on sûr que tu mets un passe Navigo. Hein. Regarde. Ce Shannon, c'est effectivement le fleuve drainant la plus grande partie de la plaine centrale de l'Irlande. Et c'est le plus grand fleuve, le plus grand et le plus long cours d'eau des îles britanniques. Il en est également le plus abondant par son débit. Comment ça vous est revenu, Christine ? Le whisky. Rien de votre côté, Bogdanov. Il n'y a que l'espace, vous, alors. Non, mais je sens qu'il est sur Saturne. Non, mais c'est intéressant comme nom, parce que c'est le nom d'un très grand scientifique américain qui s'appelle Claude Shannon et qui a été, en 1948, il a publié un article remarquable sur... la théorie de l'information. En fait, c'est finalement la théorie qui caractérise. Ça n'a rien à voir avec l'information. Ce studio, notamment. Je pense qu'on va envoyer de la musique. On va envoyer des Roumains pour le fumer. Une question, toujours à propos de l'Irlande, mais cette fois, elle est vraiment sportive et non plus géographique, la question. Et là, évidemment, je crains le pire parce que je ne suis pas certain que le football soit la spécialité de Christine O'Krent, pas plus que de Bogdanov, encore moins de Stevie, ni même de Caroline Diamant ou de Laurent Baffy. Donc, mon espoir, c'est évidemment Karine Le Marchand, en tant qu'ex de footballeur. Mais je suis nul en foot. Oui, mais là, quand même, c'est quelque chose que les as tous vus de près. Hein. C'est quelque chose que les Irlandais ont en mémoire, puisque évidemment, ce matin, tout le monde reparle de la fameuse main de Thierry Henry. Souvenez-vous, en 2010, c'est d'ailleurs le dernier... C'est pas sa main dont je me souviens. Non, c'est pas vrai, en plus. Anaconda. Oh, la coquine. Je les connais pas. C'est le dernier match de l'équipe de France contre l'Irlande. Donc, eux, évidemment, ils vont penser à ça dimanche prochain quand ils vont nous affronter cette main de Thierry Henry, qui date d'ailleurs de 2010. Cette main, d'ailleurs, qui nous a qualifiés pour la célèbre Coupe du Monde qui s'est si bien passé en Afrique du Sud, vous vous souvenez. Peut-être mieux fait de pas y aller d'ailleurs au final, mais c'est vrai que c'était au match retour contre les Irlandais qui déjà, il faut le dire, menaient 1-0 à ce moment-là, et finalement, au bout de la prolongation, les Français ont marqué grâce à cette main de Thierry Henry. Mais dans notre mémoire, on a, en tout cas dans la mienne, moi j'avais l'impression que c'était Thierry Henry qui avait marqué de la main. Mais non! Non. Thierry Henry n'a fait que passer le ballon, évidemment, à un de ses coéquipiers de l'équipe de France. Qui donc marqua le but contre l'Irlande, qui nous qualifia pour la Coupe du Monde. Emmanuel Petit. Pardon? Emmanuel Petit. Ah, oh, mais non, il jouait déjà plus, Emmanuel Petit. Soko. Qu'est-ce qu'elle dit, alors? Sako Manon. Lizarazu. Lizarazu, mais non. C'est un attaquant. Viera. Ribéry, peut-être. Mais non. On est en 2009, là. Bah, Ribéry, il était en Afrique du Sud. Ribéry, oui, mais en 2009, il y a déjà plus Lizarazu, vous voyez. Qui m'a dit Lizarazu? C'est l'autre conne. C'est pas moi. On est le 18 novembre 2009. La France reçoit l'Irlande à Saint-Denis en barrage retour pour la Coupe du Monde 2010. Trois jours après une victoire 1-0 à Dublin, qui normalement nous place en bonne position pour rejoindre l'Afrique du Sud. Hélas, Robbie Keane à la 33e minute refroidit évidemment tous les supporters français parce qu'il marque un but et ça fait 1-0 dans chaque camp. Et là, heureusement, dans les prolongations, à la 103e minute, Thierry Henry fait cette main, mais il marque pas de la main. Ben Zidane. Drogba. Drogba, non. Paul Pogba. Mais Paul Pogba. Drogba est en équipe de France. Hein. Alors lui, là, qu'est-ce que vous avez dit, vous, alors? Zidane. Non Zidane. Mais il était plus là. Chris Fontaine. Benzema. Zidane en 2009. Benzema. Mais Messi. Mais non, il n'y a pas d'équipe de France. Mais jamais été en équipe de France, Messi. Oh ben, je donne des noms de footballeurs, mais non, mais ça pourrait être des champions. Alors, on cherche un attaquant français. Alors, on cherche... Signou. Comment? Signou. Non, Sagnol. Sagnol. Ah, mais le mec dont il lui ressemble, Nasri, Samir Nasri. Non. Alors, pour tout vous dire, c'est un défenseur qui marque. On cherche un donc, il est à l'arrière. Oui, un défenseur, blanc. Il est à l'arrière. Sauf que là, il a pas marqué depuis l'arrière. Hein. Il était à l'avant pour marquer. Oui, oui. Un noir? Un noir, oui. Gallas. William Gallas. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Eh ben, voyez. C'est déloyal, Laurent. Pourquoi c'est déloyal? La bite lui est revenue d'abord, elle a dit non. C'est pas de jeu, on peut pas lutter. Ben voyez, mes espoirs portaient sur Karine Le Marchand et finalement vous avez comblé mes espoirs, Karine. Oh, pas que. Attendez, c'est pas fini. Non mais franchement, bravo. Comment ça vous est revenu, Gallas? Bah, je faisais partie des gens que je connaissais. Moi, mon ex, il a arrêté en 2008. William Gallas, en tout cas, c'est bien lui qui a marqué ce but et non pas la main au final. Fallait quand même marquer après que Thierry Henry ait évidemment poussé le ballon de la main. Mais voilà, on retient la main de Thierry Henry et pas le but de William Gallas. Découvrez le Schmilblick et tentez de gagner 3000 euros avec l'indice bonus. Le Schmilblick rebondit. Retrouvez les trois indices précédents et répondez vite sur le schmilblick.fr. 2 euros la partie, conditions de remboursement sur le schmilblick.fr. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Beach Party, le volume 2 de la compilation des années 60. George Lang. Beach Party, la plage, le soleil, le surf, les palmiers, les voitures, les vacances, comme en Californie dans les Good Old 60s. Revivez l'ambiance de l'émission Beach Party sur RTL dans le luxueux coffret Beach Party volume 2, 4 CD, 116 titres. Le meilleur des années 60, programmé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Oh, il y a du prix inratable dans l'air cette semaine, dites-moi, et c'est chez eux, hein. C'est au rayon fruits et légumes, les abricots calibre 45-50 mm, origine France, sont à 2,19€ le kilo seulement. Parfait, 2,19€ le kilo d'abricots moelleux et parfumés. Oh, pour de l'inratable, ça c'est de l'inratable. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants, liste sur magasin.com. Les nouveaux commerçants. Allez, nous retrouvons Laurent Ruquier pour la suite de vos grosses têtes. Une question pour Madame Martine Carrette, qui habite Dompierre-les-Ormes, c'est en Saône-et-Loire. Et je vous emmène à Charleroi, en Belgique. Très précisément, boulevard Devreux, à Charleroi. Là, il y a une maison qui a d'ailleurs été construite par l'architecte Auguste Cador. Et cette maison est régulièrement visitée, car cette maison a appartenu à qui ? À Brel. Verlaine. À Verlaine, non. Rimbaud. À Brel, Rimbaud, non. Est-ce qu'elle a appartenu à une célébrité belge ou une célébrité étrangère ? Une célébrité internationale, mais belge au départ. Annie oui. Cordy ? Hergé. Bah quoi, elle est internationale ? Hergé. Hergé, non. Picard ? Non. Décédée depuis longtemps, cette célébrité ? Célébrité décédée en 1966 à Louvain. Mais c'est à Charleroi. Chez Gérard ? Non, Louvain, la ville. Et c'est à Charleroi, la ville de naissance, que sa maison, boulevard Devreux, œuvre de l'architecte Auguste Cador, une maison de maître, est régulièrement visitée. C'est un peintre ? L'abbé Lemaître. Georges Lemaître. Georges Lemaître. L'abbé Lemaître. Bonne réponse ! De Grishka Bogdanov. Mais qui est ça? Je ne connais pas. Vous pouvez rappeler qui est Georges Lemaître? Alors Georges Lemaître, personnage très important dans la conquête de cette connaissance, de ce fragment de connaissance sur le Big Bang. Ah, c'est pour en ça. En fait, c'est lui. Ah, c'était la question de Grishka. Pour lui. Déjà, Stevie aime bien le nom. Ah. Non, mais Lemaître est, en effet, d'abord, il a une caractéristique, c'est un abbé. Donc, on le suspecte de vouloir prouver l'existence de Dieu avec, évidemment, la théorie du Big Bang. Mmh. La réalité profonde, c'est qu'il a toujours tenté de s'éloigner, évidemment, de sa soutane. On l'appelait Monseigneur le Maître. Hein. Monseigneur le Maître, absolument. Oui, même les enfants de cœur l'appelaient Monseigneur le Maître. Chanoine. Et... Faut qu'ils apprennent la conjugaison, ces petits cons. Mais c'est lui qui a découvert, en fait... Le trou noir. C'est pas drôle. C'est horrible. Très bien. Bravo, Laurent. Bravo, tous les fiscopes. Vous êtes bien sur Radio Barbarin. Et alors, qu'est-ce qu'il a découvert ? Qu'est-ce qu'il a découvert ? Le gangbang. Oh, on est dissipé, hein. On voit qu'on est... Oh, le Big Bang, hein. Oui, le Big Bang. La théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang. Grâce à Einstein, un peu, quand même. Alors, oui, enfin, pas tout à fait, parce qu'Einstein ne croyait pas du tout au Big Bang. Non, mais tout est relatif. Non, oh, bravo. Oh, non, en réalité, joli. D'ailleurs, celui qui a découvert vraiment la théorie du Big Bang, c'est un Russe. qui s'appelait Alexander Friedman. C'est vrai que l'espace a tremblé. Là, je suis en train de lire ça dans la presse. Mardi 14 juin dernier, l'espace aurait tremblé le 14 juin dernier. C'est vrai ça ou pas ? Mais oui, bien sûr, parce que... Comment on se rend compte que l'espace tremble ? Parce que... Les étoiles bougent. La collision. Il y a eu la collision. Vous connaissez les trous noirs. Vous savez ce que ce sont les trous noirs. Tu parles à des spécialistes. Et il y a eu... Laurent. Il y a deux trous noirs. Deux trous noirs. Qui sont... personne. Allez, amusez-vous. Il y a deux trous noirs qui se sont rentrés dedans. Deux trous noirs. Ils sont cons, il fallait se retourner. Ça fait ventouse. Et ce sont... il y en a un qui a absorbé l'autre. Que se passe-t-il lorsque des trous noirs s'entrechoquent ? On peut se caresser en pendant fait... que tu parles. Oh. Oh mon Dieu. Ils engendrent des ondes gravitationnelles. Et tout l'espace tremble. Mais oui, parce que c'est les ondes jusqu'à gravitationnelles. Jusqu'à la réception. Mais chez nous, il se passe quoi ? On l'a pas ressenti. Enfin, moi, personnellement, le mardi, j'ai rien senti. Non, mais ça a quelles conséquences sur nous ? Les conséquences, c'est que ça prouve l'existence des ondes gravitationnelles. Imaginons, par exemple, la surface d'un lac. Imaginons un grand caillou qui tombe. Mmh. Ça engendre des vagues. Oui. Mais c'est exactement la même chose. En fait, l'espace est mis à produire des vagues. Remarquez, je comprends mieux. Là, je suis en train de lire. Je comprends mieux pourquoi on n'a rien ressenti, parce que ça se passe à 1,4 milliard d'années-lumière de chez nous. Hein. Oui, c'est très loin. On a échappé belle. Par rapport à la porte non, mais c'est vrai. Attends, t'imagines. Comment ça, on a échappé belle ? Mais ça se passerait à côté du système solaire, on serait plus là, les amis. C'est merci, vrai au revoir. Mais oui. C'est vrai ? Mais oui, évidemment. Ah oui. Ça, c'est sûr que si ça avait lieu dans la Sarthe, on en parlerait encore. Mais alors, d'accord, moi je attention, deux scientifiques se parlent. Ouais. Mettre leur lance, là, c'est... Les théories s'affrontent. Le cadet des Bogdanov vous parle. Mais vous savez, chez moi, j'ai toutes les cassettes astronomia et tout, je suis passionné de tout non, ça, non. J'ai mes lunettes astronomiques et tout. Non, on a nos conversations avec non, Stevie. Non, mais alors, moi, ce que je veux savoir, c'est que je suis d'accord sur la théorie du Big Bang. Mais ça m'entend bien. Je suis d'accord que l'univers est en expansion. Mais il est en expansion dans quoi ? Ah là, c'est vite posé. Attends, le bac philo est passé. Mais non, mais c'est intéressant de savoir parce que en expansion. Non mais en expansion mais, où ? Dans quoi ? Non, je veux savoir où on est, moi. Je te réponds. Là. Stevie, il faut le rappeler, quand même, celui qui, dans cette émission, a déjà dit une fois, Einstein n'avait pas tout à fait raison. Non, j'ai dit, je n'avais rien contre Einstein, mais Einstein ne pouvait pas savoir quel était l'impact d'une planète en dehors que la Terre sur notre système, sur notre corps. Voilà. Ah, non, mais Stevie... C'est traduit de l'allemand, hein. Et tu fais toujours tes conférences dans le Marais, hein. Je sais pas, mais j'ai un peu peur, en fait. Non, mais Stevie, tu poses la question. Cette question est profonde, parce que... Ah oui, elle, ah oui, oui. Que des questions profondes, Stevie. On va peut-être les laisser tous les deux. Ah ouais. Regardez. Ils vont s'absorber. Non, mais c'est la question de la forme de l'univers, en fait. On va les appeler les sœurs Bogdanov, maintenant. Quelle est la forme de l'univers pour elle est conique. Pour toi, par exemple, effectivement. Si, par exemple, tu vas tout droit devant toi, tu quittes ce studio, tu vas tout droit. Est-ce que tu vas revenir sur tes pas ? Non, tu vas chez sa vie. Ou non ? Oui ou non ? Bah non, pas forcément. Ah ben, en fait, si, on revient sur ses pas. Parce que l'univers est en fait doté d'une courbure, et oh, c'est oui. Une sphère à trois dimensions. Donc, une sphère, je attention. Je vous offre un créneau entre 3 et 4 heures du matin où vous pourrez continuer cette conversation. Donc, cette sphère à trois dimensions, elle grandit dans la quatrième dimension. Et qu'est-ce que la quatrième dimension représente ? En fait, ce qu'on appelle le temps. Il faut se représenter ça comme ça. Donc, on ne sait pas. Merci. Ah bah, c'est la fin que j'aime bien. Une autre question maintenant pour Sébastien Stellatino, qui habite Fresnes-sur-Escaut, c'est dans le Nord. Et ce sera une question zoologique pour notre ami Laurent Baffy, parce que moi, il aurait été très jaloux. Hein. Comme il y a eu une question quand même destinée plus ou moins à M. Bogdanov, quand même, Monseigneur Lemaître, c'était pour vous. Une question sur l'Angleterre et l'Irlande, c'était plutôt pour Christine O'Krent. Mais j'ai constaté ce genre d'injustice tout au long de l'année, Laurent. Une question foot, c'était un peu pour favoriser... Mais c'est pas sympa. Quoi, du cul ? Karine Lemarchand. Christine. Oh, enfin, Madame O'Krent, on dit pas du cul sur l'antenne de RTL. Ben, je connais mon Baffy. L'image est un peu réductrice, mais bon. Non, alors, c'est... question Fion. C'est une question zoologique. Pour, évidemment, Laurent, on sait que c'est sa spécialité. Les poissons ont tous 5 types de nageoires. Des nageoires pectorales, ventrale, dorsale, et il manque 2 types de nageoires. Caudale et anale. caudal et anal. Ben voyez. Oui. Elle avait raison, Christine. Bonne réponse de Laurent Baffi. Alors là, c'est quoi une nageoire anale? Chal, je savais, mais anal, je savais pas. Je savais pas que les poissons avaient des nageoires anales. Moi, j'aimerais bien disséquer un poisson rentrant tout à l'heure. Je voudrais voir une nageoire anale. Non, mais chez quel poisson on peut trouver ça? Bah, tu vas la poissonnerie. Je la vois bien chez son poissonnier. Très cher. Mettez-moi 4 kilos de nageoire anale. Non, mais si je demande... À la voir, il va te la montrer. Non, c'est vrai. Mais si j'ouvre une truite ou un bar ce soir, je peux trouver tout ça? Si vous ouvrez un bar, vous aurez au moins Péroni comme client. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis chez Lidl là. Et quoi encore? T'as pas la pêche? Ah c'est ça, par contre ici ils ont la nectarine hein. Je dois rigoler peut-être là. Non désolé mais quand demain et après-demain, ils nous font la barquette d'un kilo de nectarine origine France à 1,69€, le moral en prend un coup. 1,69€ la barquette d'un kilo de nectarine. Ah pour le coup ça vaut le coup. Ah si vous faites de la pub pour Lidl patron, ah, là on est mal hein. Ah on est très mal je sais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,69€ le kilo, catégorie 1, calibre 56-61, chair jaune ou blanche selon magasin, origine France. Chérie, mes valises sont prêtes. Tes valises? Mais on part qu'un week-end. Bah une pour mes affaires et une pour le shopping. Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles. J'ai pas pu me retenir. Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grande marque au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. RTL. Et pour participer à la valise, RTL aime bien, inscrivez-vous, hein, c'est très simple, RTL.fr ou encore par SMS, code valise au 74 900, bonne chance à vous. RTL. La valise. Oh là là là, cette valise, celui ou celle qui va la gagner sera heureux. 8 choses en tout dans la valise, en plus des 1001 euros de départ. Stevie, à vous de choisir un numéro entre 1 et 20. 10. Le numéro 10, il s'agit de Patricia Goumet. Madame Goumet habite Nanterre, donc dans les Hauts-de-Seine. Notez bien son nom et son prénom. Patricia Goumet, c'est vous qui allez lui parler si elle décroche. Ça va sonner dans un instant. Il faut qu'elle nous donne tout le contenu de la valise RTL si elle souhaite évidemment l'emporter. Ça sonne chez Madame Goumet. Ça va sonner chez Madame Goumet. Ça a sonné chez Madame Goumet. Deuxième sonnerie, Stevie. Quand elle dit allô, c'est qu'elle décroche. Allô? Oui. Ça va, Patricia? Et qui? Bah, tu me reconnais pas. Bah, ça fait plaisir. Écoutez bien ma voix. Qui peut vous appeler à cette heure-ci? Ah, bah, il y a beaucoup de personnes qui peuvent m'appeler à cette heure-ci. Non, pas beaucoup. Pas nous, beaucoup. Nous sommes nombreux à vouloir vous appeler en même temps, ah, madame. Ah, c'est la valise! Ah, la valise RTL! Oh, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est vrai, oh là là. Bah oui, c'est vrai. Là, c'était le petit sac à main qui vous appelait pour la valise. Ah, mais j'ai pas reconnu la... C'est qui? C'est pas Stevie, pourtant. Bah si, c'est Stevie qui vous parlait. Ah, c'est Stevie, je vous adore. Ah, merci, ma Patricia. Je vous adore. Eh ben, c'est partagé, moi aussi. Mais on sent que vous avez pas noté, hein. Ah si, j'ai noté, la valise. Mille... Alors, voilà, prenez votre temps, on a tout notre temps, Patricia. Karine Le Marchand est un oiseau de mauvaise augure. Mais parce que vous avez... Mais je suis métisse comme elle. Enfin, je suis noire comme elle. Alors on va pas compter. Excusez-nous, on s'est trompé de numéro, madame. Non. Ah, ça va, monsieur Baffi. Il est bête. Monsieur Baffi. Oui, madame. Arrêtez. Enfin, il faut lui fermer un peu son clapet. Une place pour que j'aille vous voir. Voulez-vous que je quitte l'équipe? Ah bon? Alors, 1001 euros. Ça, c'est noté. Un DVD du Joséphine Sarondi de Marie-Lou Berry. Très bien. Un coffret de chocolat collector Ligue 1. Très bien. Non, déjà mangé. Un séjour à Vulcania en Auvergne. Oui. Un livre, attendez, tout dort paisiblement sauf l'amour de Claude, machin, la bille. Je suis obligé de vous dire oui. Un smartphone Arcos 50. Oui. Cobalt, je sais pas quoi. Allez, Patricia. Mais c'est limité, je crois. Oui, oui, c'est édition limitée, limitée, avec sa tablette. Avec la tablette, bon. Un livret qui veut tuer Mathieu Valbuena avec Guy Carlier. Pas un livret, un... Non, un livre. Un livre, ah oui, oui, voilà, un livre. Le livre de Guy Carlier. Qui veut tuer Mathieu Valbuena, très bien. La 17e étape du Tour de France en VIP, en hélicoptère, c'est ça? Oui, c'est génial. Offert par Skoda. Voilà, parfait, ouais, elle est parfaite. Et un DVD de Jean-Yann, je reviens. On est devenu trop con, non? Ça fait longtemps. Tranquille, dites-vous. Vous avez gagné la valise. C'est vrai. Alors, qui c'est qui m'apporte la valise? C'est moi qui vous l'apporte. Ah bah c'est Stevie. C'est Stevie qui vous apportera la valise. Stevie ah bah oui, je veux bien. Allez, apportez-moi la valise. Je vais être prévenu quand vous allez l'apporter. Vous verrez le char s'arrêter devant chez vous. Ah bah écoutez, il peut en plus le faire concrètement parce que vous habitez pas si loin de Paris. Hein, vous êtes à Nanterre. Je suis à Nanterre. Dans les Hauts-de-Seine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Patricia? Eh ben, je suis retraitée. Retraitée de quoi? Retraitée SNCF. Ah, retraitée SNCF. Vous n'avez jamais travaillé? Monsieur, elle a 35 ans. Vous avez dû travailler durement. Non, j'ai plus de 60 ans. Hein. Ah ben, on est bien contents alors que vous gagnez la valise aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Vous allez pouvoir... Ah, vous savez, moi aussi, je suis contente. En plus, hier, c'était l'anniversaire de mon permis, 22 juin. Alors, on est le 23. C'est bien. Son permis. Attendez, ah ouais, c'est super. Mon permis que j'ai eu... Votre permis de conduire. Et c'est quand l'anniversaire de votre brevet de 25 ans? Mais non, mon permis de conduire, je l'ai eu le 22 juin 78. Alors, c'est incroyable. J'avais gagné la valise. Mais vous fêtez votre permis de conduire? Oui. Ah oui. Votre abonnement au gaz, c'est dans 2 jours. Les 2 jours. Non, faut reconnaître Patricia, que c'est étonnant de célébrer l'anniversaire de la date de son permis de conduire. J'ai dit, on sait jamais, il peut m'arriver quelque chose le 22 juin. Ah ben, allez savoir. C'était une bonne date, le 22 juin. Ben, le 23 juin aussi, c'est une bonne date. Ah ben oui, la preuve, Stevie. Eh ben, l'année prochaine, le 23 juin. Merci beaucoup. La preuve. En tout cas, merci Monsieur Ruquier, merci Madame Hertel, tout. Je suis marié avec Madame Hertel depuis 2 ans, on forme un joli couple. Ah bon. Mais vous savez, ça fait tellement longtemps que j'entends RTL. Mais je me doute, est-ce que vous avez déjà une montre RTL? Non, je téléphone souvent au 3210, mais jamais de... Je vais rajouter dans la valise une montre RTL pour vous, alors, Patricia. Oh, et un jeu. Génial. Je vous embrasse, monsieur. Pour les 20 ans de votre CRP, on va rajouter un jeu. Vous savez, je regarde On n'est pas couché tout le temps. Ah, vous regardez On n'est pas couché aussi, alors écoutez. Ah, oui, j'aime bien. Ça, c'est gentil. D'ailleurs, je me dispute avec mon conjoint parce que lui, il ne veut pas regarder, moi, je regarde tout le temps. Ah. Oh, le con. Comment il s'appelle, monsieur Goumet? Il s'appelle pas Monsieur Goumet, oui, il s'appelle ça. Monsieur Martin. Ah bah, oula, pardon. Oh la gaffe. Et c'est un âne, bien sûr. Non. Un train peut en cacher un autre, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, c'est vrai. Patricia, en tout cas, vous avez gagné 1001 euros, ça c'est déjà... Ah, ça j'y crois pas. Ah si, RTL va vous envoyer le chèque. Bon, le DVD Joséphine s'arrondit, vous pourrez regarder ça pendant le week-end avec votre conjoint, un coffret de chocolat. Oui. Vous boufferez les chocolats en pensant à nous. J'adore ça, les chocolats. Vous allez pouvoir partir en famille avec Vulcania en Auvergne. Ah, Vulcania, oh là là. Ça, c'est pour combien de personnes? 22. En famille. En famille. Avec vos petits-enfants. Et vous allez en plus, alors ça c'est quand même chouette, survoler la 17e étape du Tour de France en hélicoptère. C'est canon. Ah, ça c'est chouette. Oui. Juste pile le jour des 3 ans de la carte grise. Et puis le livre de Guy Carlier, le DVD Jean-Yann revient, un smartphone et une tablette. Monsieur Baffy. Oui. J'ai déjà survolé en hélicoptère les chutes du Niagara. C'est pas vrai. C'est vrai, si. Elle est mignonne. Ça, vous en avez fait des choses, Patricia. J'en ai fait, oui. Et votre permis avec quel âge quand vous avez fait ça? Écoutez, l'essentiel, c'est qu'on vous fasse rire. Stevie vous a porté bonheur. Non, il est gentil, Stevie. Et puis, il est cultivé. Ah ben voilà. Vous voyez, c'est vrai. Il est cultivé, Stevie. Je l'écoute, j'écoute tous les jours, j'écoute... Les grosses têtes. L'émission. Les grosses têtes, ça s'appelle les grosses têtes. Je me mets dans mon lit et j'écoute l'émission. L'après-midi. Et des fois, je m'endors. Ah oui. L'après-midi. L'après-midi, et oui. C'est surtout quand Igor parle que vous endormez. C'est-à-dire que vous écoutez les grosses têtes dans votre lit et on n'est pas couché debout, alors, j'imagine. Ah non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, on vous embrasse. En tout cas, on est ravis que vous ayez gentil. Gagné. En tout cas, c'est gentil. J'y croyais pas. En m'inscrivant, je dis jamais je gagnerai. Eh bien, si vous avez envoyé par SMS le mot valise au 74 900, vous avez bien fait. Ça. C'était au mois de juin. Enfin, j'ai envoyé deux fois. Une date, exactement. Et puis, c'était au mois de juin. Et puis, l'autre, c'était en avant. En tout cas, dites donc avec vous, les trains devaient partir à l'heure. Hein. Bravo, Patricia. Vous savez, qu'est-ce que vous faisiez exactement à la SNCF ? Je m'occupais des groupes. Ah, des groupes ? ACDC. En dernier lieu, je m'occupais des militaires. C'est encore un autre métier, ça, Patricia. Des militaires. Allez, on vous embrasse. Bravo, vous avez gagné la valise. Bravo. Les grosses têtes sur RTL. MAF Assurance, bonjour. Dites donc, c'est quoi ce crédit auto de 1,5%? Ben oui, jusqu'au 24 juillet 2016, si vous assurez votre auto chez MAF, vous pouvez la financer à 1,5% TFG fixe sur 12 mois. Ben oui, 1,5%. Tout à fait. Pour un prêt personnel de 5000 euros, ça vous fait 12 mensualités de 421 euros, soit un montant total dû de 5041 euros. Alors là, je dis respect. Sous réserve d'acceptation par Franc Finance, dont MAF est intermédiaire de crédit exclusif. Conditions au 35, service et appel gratuit ou sur maf.fr. Géant solde les soldes et frappe fort avec des remises supplémentaires sur des produits déjà soldés. Par exemple, jusqu'à samedi seulement, le PC portable 15 pouces Lenovo G5030 vendu 359 euros. Une remise supplémentaire de 30%, soit le PC à seulement 199 euros. Solde du 22 juin au 2 août, hors Corse et Alpes-Maritimes. Les prix bas, c'est Géant. RTL, première radio de France. Allez Titine, c'est l'heure de ta remise en forme pour préparer la route de l'été. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. Filtre, climatisation, vidange, amortisseur. Des offres jusqu'à moins 30% dans votre garage AD. Rendez-vous sur AD.fr pour faire votre devis en ligne. Conditions des offres sur AD.fr. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL 17h. Les infos, Céline Landreau. Forte inquiétude en Allemagne, à Fernheim, au sud de Francfort, où un tireur s'est retranché dans un cinéma de la ville. Il aurait ouvert le feu sur les spectateurs. On parle de dizaines de blessés, Blandine Nielsen. Oui, alors le ministre de l'Intérieur de la Hesse vient de confirmer il y a vraiment quelques minutes que cet homme a été abattu par un commando spécial de la police. La presse locale a parlé d'une prise d'otage auparavant. Donc ça s'est passé à Fernheim, dans le sud de Darmstadt, en dessous de Francfort. Cet homme armé, s'est enfermé dans un cinéma multiplex vers 15h. Il était armé selon des témoins. Le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung dit même qu'il était lourdement armé et des témoins ont dit avoir entendu des coups de feu. On parle de 25 blessés, peut-être plus, peut-être même une cinquantaine de blessés. La police a bouclé complètement le quartier et donc cette information, cet homme a été abattu par la police allemande. Merci Blandine Milsan, je rappelle que vous êtes la correspondante de RTL en Allemagne. On reviendra évidemment sur cet événement dans RTL Soir tout à l'heure. 20 000 manifestants cet après-midi à Paris selon la police, trois fois plus pour les syndicats. Moins d'affluence que prévu dans le cortège contre la loi travail. Les opposants ont fait une petite boucle, 1,6 km au départ et à l'arrivée de la place de la Bastille. Un défilé sous haute surveillance, 2 000 policiers mobilisés, 95 personnes ont d'ailleurs été interpellées par les forces de l'ordre. Parmi elles, deux étaient interdites de manifester. Ce défilé parisien, il en sera évidemment question dans RTL Soir avec vous, Marc-Olivier Fogiel, bonsoir. Bonsoir Céline, évidemment, nous retournerons place de la Bastille donc avec les reporters de RTL. Le service évidemment politique de RTL nous racontera comment l'Élysée scrutait tout ça de très près. Puis à 18h20, le leader de la CGT, Philippe Martinez, qui était dans le cortège, sera notre invité. Il sera là donc tout à l'heure à 18h20 RTL. Merci Marc-Olivier, à tout à l'heure, 18h. Et face aux syndicats, face à la rue, l'exécutif reste ferme, nous irons jusqu'à jusqu'au bout, a répété encore aujourd'hui François Hollande, le chef de l'État qui espère se réveiller demain en apprenant que les Britanniques restent dans l'Union européenne parce que c'est leur place, insiste le président. Le résultat du référendum au Royaume-Uni est attendu demain matin à l'aube. La météo à présent avec toujours une alerte orange aux orages au nord-ouest du pays qui touche aussi désormais Paris et l'Île-de-France. Au total, 20 départements sont concernés de l'Ille-et-Vilaine jusqu'au nord. Demain, le temps restera pluvieux orageux sur une grande partie du pays. Ciel chargé avec des averses dans la matinée de l'Aquitaine à la Belgique avec aussi donc des orages. Plus de soleil ailleurs. Les températures de 11 à 24 degrés demain matin, de 18 à 37 dans l'après-midi de la Manche à la Provence. Comptez 24 degrés dans la capitale. Il est 17h03. Vous écoutez RTL et les grosses têtes reviennent maintenant avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Christine Ockrent, Karine Le Marchand, Caroline Diamant, Laurent Baffy, Grishka Bogdanov et Stevie Boulet. Une question pour Monsieur Joël Juillard, qui habite Paris 11e. C'est Samantha qui a dit à propos de Mélanie, ton mec a de l'argent, refais ton nez pour le bien de la France. Mais qui sont Samantha et Mélanie? Des Françaises? Des Françaises, oui. Des vrais personnages? Ah oui, elles existent vraiment. Elles sont sœurs. Ça fait femme de footballeur. Exact, bravo. Eh ben, c'est la femme de footballeur. Eh ben oui. France, de l'équipe de France. Ah, de Payet. Alors, c'est pas la femme de deux footballeurs. Non, ce sont deux femmes de footballeurs. Oui. Est-ce que c'est de joueurs français? Alors, c'est un joueur français. Non, on cherche quoi, le nom de Samantha ou le nom de Mélanie? Alors non, ni l'un ni l'autre. Celui qui a un vilain nez. Samantha, elle est française, Samantha. Et l'autre, c'est la belle-mère? Non. Pour recommencer. Ah oui, pour recommencer. Oui, mais enfin, c'est à vous de trouver, c'est pas à moi de répondre. Ah, oui. Alors, on est dans les gradins, on est au match de foot. Il y a deux pétasses en bimbo et elle se crêpe le chignon. Non, ça s'est passé sur Snapchat. Je sais pas exactement ce que c'est que Snapchat, mais... C'est très rigolo. Ah oui, c'est vrai, c'est quoi Snapchat? Bah, c'est sympathique parce que vous prenez des photos, il y a des applications différentes tous les jours, elles sont éphémères et vous pouvez tirer la langue, faire des petites animations. Et donc, il y en a une qui s'est adressée à l'autre. La femme de Valbuena. Sur Snapchat, et elle a mis... Ton mec a de l'argent, refais ton nez pour le bien de la France. Refais d'ailleurs écrit R-E-F-E-T. Oh non. Oh là là. Comme quoi, on voit bien que c'est une femme de footballeur. Dites donc. Ah, la femme d'Augier? La femme de... Laurent, ne vous moquez pas des putes analphabètes, c'est pas joli, joli. C'est pas, y a pas une femme de Valbuena là-dedans? Non. Alors, non, mais de toute façon, toutes les deux, ça concerne... Sont femmes de footballeur. Oui. Non, il y a un truc qu'on n'a pas saisi. Exactement. Toutes les deux, il y a un lien où elles sont... Ah, c'est l'ex? Voilà. Il y en a une, c'est l'ex, et l'autre... Voilà, bah, pour envoyer ça, quand même, c'est pas très sympa. Pour la France, refais-toi le tarin. Donc, c'est l'ex qui a envoyé à l'actuel. Alors, c'est l'ex. Mais de quel joueur? Maintenant, de quel joueur? Voilà. Qui joue en ce moment en équipe de France? Qui joue en ce moment en équipe de France? Il est blanc? Non. Oh, bah, décidément. Ah, bah, toujours, ils sont toujours noirs. Alors, hein. Pense à la teub et dis le nom, quoi, comme d'hab. La routine, quoi. Je les connais pas, les nouveaux. Pogba? Pogba, non. Non. Mais effectivement. Sissoko. Qu'est-ce que vous avez dit? Sacco Mano. C'est un commentateur, Sacco Mano. Il a 80 ans, jeune Sacco Mano. Et peut-être que sa femme a besoin d'une rhinoplastie. Qu'est-ce que vous voulez que vous dites? Samantha est la femme, l'ex-femme d'un footballeur. Ils se sont séparés au mois de mars dernier. C'est quand même assez récent. Et il a dû quitter l'une pour l'autre. Et oui, il l'a épousée pour une candidate de télé-réalité qui s'appelle Mélanie Dacruz, qui était dans la 9e saison de Secret Story. Ah, ouais. Mais je vois. Mais elle a déjà le nez refait. Ah oui. Ben oui, mais pas bien, magnifique. Et vous voyez, elles sont assez vaches entre elles, finalement, bah oui. les footballeuses. Bah non, c'est entre femmes trompées, surtout. Ah, vous croyez que c'est ça? Bah, s'il a quitté l'une pour l'autre, c'est normal qu'elle la déteste. Ah oui, vous êtes comme ça, vous aussi, alors. Oh non, parfois, c'est un don de Dieu. Gérard Piqué. Pardon? Gérard Piqué. Ah bah non, Gérard Piqué, il est avec Shakira, puis il n'est pas français, vous voyez. Bah oui, mais il a un nom Shakira. Français. Il joue en Espagne. Oui, c'est vrai. Allez-y, vous, le foot. Là, ils se sont séparés en mars 2016, lui et Samantha. Et c'est vrai que maintenant, il est avec cette vedette de la télé-réalité qui, manifestement, a un nez qui ne plaît pas à l'ex. l'ex du footballeur, si bien qu'elle a écrit sur Snapchat « Ton mec a de l'argent ». C'est quand même mesquin. Hein. C'est, con, oh, mais c'est d'une bêtise abyssale. « Ton mec a de l'argent, refait, R-E-F-E-T, ton nez pour le bien de la France ». Je comprends que pour l'instant, il n'est pas si bien joué que ça chez les Bleus, hein, parce que s'il est embarrassé avec, ah, Héro, ouais, avec les histoires entre son ex et son actuel… Il n'est pas titulaire ? Alors, il a joué un match, petit bout, puis ça s'est pas bien passé. Ah, je vois. Le deuxième. Dans Boiré. Non. Dans le doute, j'en rajoute un. Il est né à Massy, en Essonne. C'est un footballeur international français, même s'il est parti jouer en Angleterre à Manchester United. C'est un attaquant. Hein. C'est pas lui qui a fait un bras d'honneur ? Ah non, non, non. Ça, le bras d'honneur, c'était Paul Pogba, vous voyez. Ouais, et non, lui, il joue... Paul, enfin, j'allais dire qu'il joue en Italie. Oui, il joue toujours en Italie, Paul Pogba. Allô, Florian. Oui. J'ai un problème de footballeur. Alors, on me dit... Non, de footballeur. Il y a un footeux. Il a un nom de footballeur dont on peut dire que c'est normal qu'on lui fasse la cour. Non, mais, écoutez, vous devez connaître. On est en plein Euro 2016. Les Français. Mais c'est pour ça. Drogba, on n'en peut plus. Les Français. Drogba, il joue plus. On l'a déjà dit plein de fois. Il joue plus depuis je ne sais pas combien de temps, Drogba. Dragbo. On lui fait la cour, on le drague. Quand même, pourriez connaître les noms des footballeurs de l'équipe de France actuellement. Mais je regarde pas le match. Je fais tout pour éviter le foot. Bah oui, mais je suis sur le point de réussir. Ouais, mais en plus, si c'est sur le banc de touche, c'est pas facile. Ah non, non, non, il a joué le deuxième match. Non, il a fait polémique. Et puis, hélas, il n'a pas suffisamment bien joué depuis, on ne l'a pas revu. Mais, la drague. Mais quand même, il est attaquant, un grand attaquant, un espoir du football français. Mais si, il est né en 95, donc vous voyez, il est jeune. Oh, hein. Il a l'âge de ma fille. Ah oui, il a 21 ans, même pas, il les a pas encore parce qu'il est né en décembre 95. Alors, il a une crête sur la tête. Non, il les a pas encore. Il a des... Ah si, il les a les 20 ans, mais il n'a pas 21 il ans. Pas 21 encore. Ans. Il a une crête sur la tête. Non, il n'a pas de crête sur la tête, lui. Il est-ce que pas vous nourrissez dans le lait. Je vous ai aidé, je vous ai donné un petit. Mais vous avez dit, on lui fait la cour. On pourrait lui faire la cour, mais oui. On le poursuit. 300 euros. On a perdu 300 euros à cause du foot. C'était Anthony Martial. Et alors ? Bah, la cour Martial. Mais nous, vous dites court, on pense à séduction. Mais oui, mariage, teaser, tout ça. Mais c'est trop royal. On pense à pas pénal, vous voyez. Anthony Martial, l'attaquant de l'équipe de France. C'est peut-être pour ça, vous voyez, qu'il est un peu... C'est lui qui tient la dragée haute aux autres. Voilà, il est peut-être perturbé parce que quand même, voilà, c'est son ex et son actuel. Mais alors, excusez-moi, s'il n'a pas encore 21 ans, on les excuse. Ça veut dire que ce sont vraiment deux petites andouilles de 17-18 ans. Quand t'écrivais refait à 20 ans, R-E-F-E-T. Vous savez, les footballeurs sont rarement mariés avec des filles de 60 ans, hein, Caroline. Non, mais enfin, parfois, ils ont des femmes d'une trentaine d'années. Oui. Où tu te dis vraiment, à 30 ans, être encore aussi bas de plafond, c'est triste. À 18 ans, tu te dis que c'est triste, mais qu'il y a de l'espoir. Elles sont en photo, là, dans Paris Match. Hein, ah bon ? Ah oui, et alors, c'est vrai ? Il faut qu'elles leur fassent ou pas ? Ah ben non, mais alors, elle n'y est pas. À mon avis, là, elle ne devait pas être disponible. Ouais, les femmes jouent le jeu. Elles sont jolies, hein. Regardez, dans Paris Match, elles sont chouettes, quand même. Voilà. Sephora Coman. Alors, ça, c'est la femme de Kingsley. Il y en a une qui s'appelle Sephora. Oui, Sephora Coman, c'est la femme de Kingsley. Elle est sponsorisée. Sarah Mandanda, Sandra Eva, Ludivine Sagna, Thierry Zidine, Ludivine Payette. Ah, bah ça, c'est la plus chanceuse du moment, hein, Ludivine Payette. Et Camille Solde, la compagne de Morgan Schneiderlin. Oui, lui, il joue pas. Morgan Schneiderlin. Bon, voilà. Solde. Comment ? Elle s'appelle Solde. Oui, elle s'appelle Solde. Sephora et Solde. Du moins, elles sont plus ensemble. Là. Camille Solde. Et bon. on les voit dans les gradins encourager leur mec. Grande photo, petite interview. Hein. C'est-à-dire. Il n'y a pas de texte. Non, non, non. quand elle répond, elle dit toujours néanmoins. Et on la connaît, Madame Didier Deschamps ? Madame Deschamps, oui, elle s'appelle La Belle. On l'a jamais vue, si, c'est une blonde. Elle s'appelle Annabelle Deschamps, voilà. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Tes valises ? Mais on part qu'un week-end ! Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping ! Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles ! J'ai pas pu me retenir ! Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçu du voyage. Voir conditions sur le site. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et ce soir, je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. Jusqu'au 30 juin, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur peugeotwebstore.com. Les courses se déroulent aujourd'hui à Bordeaux. La Teste avec vous, Bernard Glace. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Avec un rappel, bien entendu, de l'arrivée du quintet de cet après-midi. Il fallait jouer le 17, le 13, le 15, le 4 et le 12, le numéro plus 2215. Et je vous indiquais ce beau tiercé dans le désordre en 7 chevaux. Bravo. Ce matin. Merci. Oh, oui. La 7e et avant-dernière épreuve avait la victoire du 8, Talachita, qui rapporte 6,70 et 1,80. Le 3 a été non partante. Devant le 2, Billet Doux, qui rapporte 1,80. 3e place pour l'As Bergame, 1,50, 4e le 7 et puis 8e et dernière. Donc, deux noms partants, le 11 et le 18, c'est le 3 Ragazza qui l'emporte 5,50 et 2,40. Devant le 6, Grace of Love, 3,20 placé. Et le 13, Maher Senora, 3,40. Il y a d'élite pour la 4e place pour le multi entre l'As et le 7. 3, 6, 13 et puis As et 7 pour le multi. Demain, les courses ont lieu en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Je sais, Isabelle. Mais oui, bah vous êtes en forme alors. Ben écoutez, c'est une course très très très difficile à déchiffrer. Je vais me lancer avec quelque chose qui vous intéressera. C'est le numéro 2 qui s'appelle Reine du Zac, une Italienne qui a un beau jeu de jambes, paraît-il. Donc Reine du Zac, le numéro 2 dans le quintet de ce demain soir en nocturne à Vincennes. Les résultats complets, les pronostics pour demain, bien sûr, le répondeur 3210 et le site onrefaitlescourses.fr. Alors à demain, Bernard. À demain, merci. Allez, nous retrouvons Laurent Ruquier, les grosses têtes. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Laetitia est au téléphone. Bonjour Laetitia. Bonjour Laurent. Bonjour mademoiselle Larouille, de son nom de famille. Non, Larouille. Larouille. Faut mettre de l'huile, c'est pas méchant. Ah bah ça s'écrit L-A-2-0-U-Y. C'est ça, tout à fait. Et ça se prononce Larouille. Ah, c'est du Béarn. Tant mieux, même Larouille alors. Pas tant mieux. Non, mademoiselle. Pardon, et vous voulez qu'on vous dérouille? Merci mademoiselle Larouille de cette précision en tout cas. Vous habitez Pau. Non, non. Elle va dire non, non. Larouille de Pau, donc mademoiselle Larouille de Pau. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laetitia? Alors, en ce moment, je travaille dans l'accueil et je prépare une formation pour devenir hypnothérapeute. Ah. Hypnothérapeute. Oui. Vous voulez nous endormir, donc? Non, j'oserais pas. Vous avez un joli rire. Dites qu'il y a des footballeurs de libre, Laetitia. Non, non, moi je préfère Laurent. Ah, enfin, pas vous, Bafi. Ah, bah, je vous remercie. Désolée. Ça tombe bien, il aime bien la rouille. C'est bien. Je ramènerai mes croutons. Oui. Hypnothérapeute, quand on a le sens du tact, c'est bien, je pense. Ça va aider à soigner les. Pas. Et vous êtes dans l'accueil. Qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes dans l'accueil? Alors là, en ce moment, je suis en fait hôtesse d'accueil. Ah, hôtesse d'accueil. À l'accueil. Où, Laetitia? Plusieurs, en fait. Je vais te choper, alors dis-moi tout de suite où c'est, parce qu'on va perdre un temps fou, là. Elle a 27 ans, elle est très jeune, Laetitia. Mais non, c'est la chasse au trésor, justement. Et elle espère partir à Valoir-Galibier. Non, mais et vous savez que quand on hypnotise les gens, c'est pas facile, si vous riez au milieu, ça va les réveiller. Ah oui, ouais, elle rit pas. Je vais essayer de contrôler ça. Ça va pas être la facile. La réassociation, c'est ça. Laetitia, vous allez peut-être partir à Valoir-Galibier en Savoie, la fameuse station village de charme au pied du mythique Col du Galibier. Un joli séjour de 7 nuits pour 2 personnes, hébergement en appartement, passe loisir pour aller à la piscine, à la patinoire, à la télécabine. Il faudra y aller pendant l'été ou l'été prochain ou l'été 2017. Vous aurez le choix, mais quand même, la piscine, la montagne, le concours, le fameux concours de sculpture sur paille et foin que je crois que les grosses têtes ont rendu célèbre depuis une semaine. Allez voir tout ça sur valoir.net. Voici la question, Laetitia. Dans la presse, on reparle beaucoup aujourd'hui de la fameuse Villa Pamplemousse. Mais à qui appartient la Villa Pamplemousse? À Pulco. Bon, je vais pas faire une blague quand même, on va arrêter. Oh bah non, internet vite. Pardon, à qui? Au Balkany. Au Balkany, c'est gagné, Laetitia. Merci beaucoup. Eh bien oui, on reparle de la Villa Tropicale Pamplemousse, puisqu'on a appris évidemment que Patrick Balkany avait été à nouveau désigné candidat par la Commission nationale d'investiture pour les législatives de juin 2017. À la surprise générale, hein, parce que quand même, évidemment, il y a plusieurs mises en examen qui courent autour de lui, mais c'est pas grave, M. Balkany sera quand même candidat. Et puis les électeurs l'aiment bien, puisqu'ils le réélisent à chaque fois après tout. Mmh. Donc au fond, ce sont les électeurs qui choisissent, c'est à eux de punir. C'est comme médecin à Nice. Mais oui, exactement. Est-ce que vous pouvez vous adresser à quelqu'un qui n'habite pas le Valois ? Merci beaucoup. En tout cas, vous, Laetitia, vous allez partir grâce au Balkany, au col du Galibier. Ouais, bah, surtout grâce à vous. Bah, non, mais grâce aussi à M. Balkany. Grâce à nous, c'est le col de l'utérus. Hein, mais oh non, écoute, oh. Franchement. Ça vous fait rire, vous, Laetitia, en plus. Oui, j'ai l'humour facile. Moi. Ah bah oui, je vois ça. Allez, je vois ça. Non, merci pour le facile. Ça faisait 2 ans que je la préparais, celle-là. Eh ben, on vous souhaite. On vous souhaite. Et on vous souhaite. Et on raccroche parce qu'il boue. On vous souhaite, et non pas on vous souhaite, on vous souhaite un joli séjour au col du Galibier à Valoire. On vous embrasse, Laetitia. Au revoir, mademoiselle Larouille. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Oh, il y a du prix inratable dans l'air cette semaine, dites-moi, et c'est chez eux, hein. C'est au rayon fruits et légumes, les abricots calibre 45-50mm, origine France, sont à 2,19€ le kilo seulement. Parfait, 2,19€ le kilo d'abricots moelleux et parfumés. Oh, pour de l'inratable, ça c'est de l'inratable. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants, liste sur magasin.com. Les nouveaux commerçants. Avant, l'été sans Chris, ça ressemblait à ça. Chou! Qui veut des choux? Choux! Mais ça, c'était avant. Chouchou! Qui veut des chouchous? Des bons chouchous! Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Et puis vous le savez, pour participer aux enregistrements des grosses têtes le matin, bah pareil, vous vous inscrivez rtl.fr. Nous retrouvons Laurent Ruquier et ses invités jusqu'à 18h. Une question pour Hervé Carassé qui habite Sainte-Marie. Et la question concerne une exposition au sein de laquelle on peut voir toute une pièce consacrée au désormais célèbre Clément. Ah, Welbeck. Oui. Allez-y. Welbeck. C'est le chien de Welbeck, Clément. C'est le chien de Welbeck et c'est donc l'exposition qui est au Palais de Tokyo. Palais de Tokyo. Et qui s'appelle... Ah, qui s'appelle... Allez-y. Je cherche. Restez vivant, toujours debout, ça c'est Renault. Restez vivant, c'est Welbeck. Que des mecs en pleine santé, hein. Restez vivant, l'expo Welbeck au Palais de Tokyo, une exposition de photos entre autres, mais essentiellement, effectivement, ça commence ce jeudi au Palais de Tokyo. Il y a toute une salle consacrée au chien qui n'est plus là, hein. Oui, c'est une expo posthume parce que le chien, il a été très très très malheureux. Pas le chien. Le chien, il est mort, mais Welbeck a été très malheureux quand son chien Clément est mort. Et donc, il y a une salle entière consacrée au chien de Michel Welbeck, le fameux Clément, qui est même pas... Ça donne envie de se précipiter. Ah oui. Christine, vous me gardez une place, j'y vais avec vous. C'est son ex-femme, d'ailleurs, Marie-Pierre Gauthier, qui a peint quelques aquarelles qui représentent le chien. Et dans une vitrine, il y a même les jouets du chien, légendés par des étiquettes, la girafe, babar, ours brun. C'est une bonne réponse de Stevie Boulet, en tout cas. Et alors, vous, Karine Le Marchand, car j'ai lu Les Inrocks cette semaine. Une expo sur sa chatte. Non. Mais non, vous avez rencontré. Donc... Tous les objets, tous les jouets. Le petit lapin, le petit canard. Mais non, elle a rencontré Michel Welbeck. Je l'ai emmené en tournage sur L'Amour est dans le Pré. Et voilà, il y a les photos et l'entretien. Parce qu'il est fan de cette émission qu'il regarde depuis 10 ans. Et effectivement, c'est le rédacteur en chef des Un Rock. Des Un Rock cette semaine, et il a demandé à faire mon interview. Et alors, on vous voit tous les deux à la campagne, il vous interroge. J'ai lu l'interview. Je l'ai pas lu encore. Ah ben moi j'ai lu. Alors il y a un moment, c'est assez intéressant parce que c'est une question que je vous avais jamais posée, j'avais jamais pensé à ça. Il vous avait demandé si les agriculteurs étaient puceaux parfois quand vous les rencontrez pour la première fois. Oui, parfois, bien sûr. Et vraiment, ils sont puceaux. Bah ça arrive, c'est déjà arrivé, mais il y en a qui l'ont revendiqué. C'est déjà arrivé aussi deux fois qu'on dise, quelqu'un dit, j'ai jamais fait l'amour, il avait 46 ans, c'était il y a deux ans. Toi, t'arrives, premier contact, tu les aides à décaloter, et après le courant, le courant passe, quoi. C'est pour ça qu'il y a des échanges. Non, mais c'est ça fait partie. Puceaux de 46 ans. Bien sûr, mais ça fait partie des grands tabous de notre société. Laurent, on parle de sexe. On parle de sexe tout le temps facilement aujourd'hui, et c'est vrai que pour les gens qui soit n'aiment pas le sexe, soit l'ont jamais fait. Il y a ma fille qui montre Bogdanov du doigt. Bon. Enfin, il est pas puceau, Bogdanov. Non. Mais c'est drôle parce qu'il est, en fait, il est très pudique sur le sexe. Bah alors pourquoi il montre des femmes nues avec des petits jouets partout, non, avec c'est pas, c'était son chien. Des ours, des machins. Non, mais dans l'exposition de Houellebecq, là, il y a pas eu aussi une exposition photo où on voit des femmes nues avec des objets, des nounours, des machins, des bidules. Non, mais il est pudique quand on parle de sa sexualité à lui. Tu vois, il est pudique, mais il est adorable. Il est d'une gentillesse, c'est comme un enfant. Ah ouais, il était trop mignon. Ah oui. Et alors, on croit qu'il est alcoolique, mais c'est pas ça. En fait, le problème, c'est qu'il tient pas l'alcool. Donc, au bout de trois verres, il est mort. Ah ouais, donc, en fait, il boit pas beaucoup en quantité. Le fameux coup, j'ai pris un baba au rhum et. Mais je l'ai vu, parce qu'on a passé quatre jours ensemble. Quatre jours avec Houellebecq. Ouais. En revanche, il peut pas se passer de cigarette. Ça, c'est. Il doit fumer à peu près trois paquets par jour, au moins. Trois paquets par jour. Au moins. C'est vrai? Ouais. Il doit manger du gingembre. Quel rapport sur les poumons? Ça nettoie les poumons, le gingembre. Ah bon? Gingembre, pamplemousse et noix de cajou. Je vous les conseille, ça nettoie bien les poumons. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est des aliments qui nettoient, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà. Regardez la façon dont Bogdanov regarde Stevie Boulet. Mais il y a de l'affection. Je suis fasciné. Vous êtes fasciné, hein? Mais oui, vraiment. J'ai l'impression de voir un extraterrestre. Sur le gingembre. Ah, mais j'adore le gingembre. Je me fais un jus de gingembre quand je suis au manger le matin. C'est bon, c'est très bon. Ou sinon, je prends la menthe du jardin, ou sinon, mes petits thés. Enfin, je fais mes petits thés. Non, c'est bon. Il faut extraire le jus de gingembre et le boire avec de l'eau. Non, mais c'est bon pour la santé. Il faut extraire tous les jus. Et ça élimine les mauvaises oui, les mais mauvais c'est un trucs, goût là. Particulier. Si vous avez... Je savais pas que Chazot a eu un fils avec Brialy. Hein. Ah bah dis donc. D'ailleurs, Houellebecq a fait des tests médicaux et il est en train d'exposer dans une ville, je crois que c'est à Bruxelles, ses résultats médicaux, ses scanners et c'est une autre exposition qui et vient de lancer. Et où peut-on voir ses selles? Dans quel musée Mais vous avez raison, mais même là au Palais de Tokyo, ah, il a fait ça aussi. Il y a tous ces IRM effectivement qui sont exposés aussi au Palais de Tokyo. Bon, c'est un peu narcissique. Faut dire moi qui vient de faire un bilan médical, c'est assez étonnant quand on voit votre corps. C'est j'ai fait cette histoire. Ah oui, le scanner qui passe partout. Cette histoire d'homme transparent là. Ah moi aussi. C'est quoi? Et je peux... Alors c'est quoi exactement? Ah ben on voit et tout. Et alors c'est beau. Tout, on voit toute la tuyauterie et c'est assez. Finalement, je me trouve beau sans peau. Moi, la dame, elle m'a faites dit. Faites les émissions, présentez les émissions dans, comme ça. Alors. La dame, elle m'a dit, moi, que j'avais des très beaux organes. C'est pas elle vrai. Elle m'a dit, vous allez vivre très longtemps, une monsieur Boulet, vous allez être centenaire. Ah, mais tu l'as fait aussi? Oui, en face de chez Laurent. Et ils m'ont regardé, elle m'a dit, ah non, vous avez un bel organe. Oh, et votre foie, oh là là, et votre rate et machin. Non, mais c'est assez étonnant de voir tous ces organes comme ça. Moi, ça me rassure, en fait. Il faut le faire une fois tous les 5 ans, mais c'est incroyable. Je vais le faire. Mais dans 15 ans, qu'est-ce qu'on sera? Mais oui, mais alors, c'est stressant aussi. Si on te dit, tiens, il y a une petite tache là. Bah, tu alors t'avais mal nulle part. Vaut mieux être averti pour cerner le mal et agir. Et puis ils vous donnent pas de mauvaises nouvelles. Moi ils m'ont redonné en fait les radios de Stevie. Pour... Il vous a dit vous avez l'énergie d'un mec de 21 ans qui sort du loft. Et puis vous êtes un garçon. C'est là que j'ai commencé à avoir des doutes. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Je vous retrouve tous les jours de 14h à 15h sur RTL pour l'heure du crime avec mes invités, enquêteurs, magistrats, avocats et journalistes. Je vous raconte les grandes affaires criminelles d'hier et d'aujourd'hui. Rendez-vous demain à 14h, l'heure du crime sur RTL. Carrefour. Val, je reviens de chez Carrefour, il y a des soldes de folie sur plein de produits, t'imagines même pas. Ah, raconte. Ben, en ce moment, t'as jusqu'à moins 70% sur le rayon textile, la cuisson et même l'électroménager. Et t'as pris quoi? Ben, il y avait tellement de choix, j'ai pas pu me décider. Ah, ben, viens, on y retourne, à deux, on va y arriver. En ce moment, c'est les soldes chez Carrefour. Profitez de remises immédiates jusqu'à 70% sur les rayons textiles, cuisson et électroménager. Vos magasins sont ouverts dimanche. Voir liste des magasins ouverts sur carrefour.fr. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Carrefour. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier et nous retrouvons Caroline Diamant, Christine Ockrent, Karine Le Marchand, Laurent Baffy, Grishka Bogdanov et Stevie Boulet. Allez. Une question pour Madame Roumier, Alban Roumier, qui habite Vendeuvre, dans le Calvados. Et cette question nous permettra d'avoir Pierre Maillet au téléphone dans un instant. Pierre Maillet, qui est l'inventeur, le créateur même, créateur d'une société et inventeur de quelque chose pour exploiter, évidemment, cette invention. Il a créé la société Imalis à Aix en Provence. Et il faut dire qu'il a réussi à vendre 12 millions de ce qu'il a inventé l'année dernière. 12 millions de quoi donc? Et d'ailleurs, il faut le dire, en plein euro 2016, ça se vend encore comme des petits pains. De quoi s'agit-il? Des semelles qui sentent bon. Des quoi? Des semelles qui sentent bon. Des semelles qui sentent bon. Oui, ce qu'on met dans les chaussures pour pas puer des pieds, non? Pourquoi alors on achèterait ça pendant l'euro 2016? Parce qu'il y a peut-être le personnage Footix, là, qui sont... Qui sent des pieds. C'est pas des... quelque chose qui permet c'est pas de... des bébés gels, là. Des quoi? Des Vuvuzela. Non, ça a disparu, ça, les Vuvuzela. Tant mieux. Hein. Est-ce que, Laurent, ce serait pas ce stick de trois couleurs qu'on se passe sur la joue pour reproduire le drapeau français? Mais comment vous avez imaginé ça, Caroline? Bah parce que je vois pas qu'est-ce qui peut se vendre à 12 millions pendant l'euro. Excellente réponse de Caroline Diamant. Il s'agit du crayon de maquillage multiligne. C'est vrai qu'avant, vous preniez, vous preniez une couleur, faisiez l'autre couleur, ensuite, puis la troisième couleur. Eh bien, il a été malin, monsieur Pierre Maillet, puisqu'il a inventé le crayon multiligne. Bonjour, monsieur Maillet. Bonjour. Évidemment, avec des lignes parallèles, hein, c'est mieux. Alors, effectivement, Sunbrush est le premier crayon de maquillage multiligne au monde. Ils en avons vendu 2 millions sur l'euro. Ah, pourquoi ils ont dit 2 millions? Dans VSD, ils mettent 12 millions. 12 millions, c'est depuis la création, en fait. Ah, depuis la création. Ah oui. Et vous avez créé ça quand, alors? Il y a une dizaine d'années. Pour l'euro 2004 ou 2008, alors? Tout à fait, exactement. On a lancé en 2006. Ça s'appelle Fanbrush, c'est ça? Fanbrush, voilà, c'est un terme anglais pour un produit made in France. Je tiens à préciser, tous nos produits sont fabriqués en France. C'est un combat personnel, d'ailleurs. Et ça veut dire que vous faites les différentes couleurs pour toutes les équipes? On fait toutes les combinaisons de couleurs. On a de 2 à 6 couleurs pour toutes les combinaisons de drapeaux, de nations, dans tout type de sport. Évidemment, le football est le sport qui véhicule le plus de demandes. On est dans un contexte où l'émotion se traduit avec la couleur. Donc, il y a, en dehors du sport, il y a aussi des manifestations de rue, les Gay Pride, etc. Et nos produits permettent de répondre à cet engouement festif, je dirais. Ça s'efface facilement. C'est ça ma question. Quand je vois tous les gens colorés là, dans les stades avec ça sur les joues et ailleurs parfois même, de toutes les couleurs, est-ce que ça s'efface facilement? Ce sont des cires, c'est le même produit qu'on utilise pour les rouges à lèvres. Ah. Donc ce sont des cidres sans conservateur parce qu'il n'y a pas d'eau et selon la peau ça vous en frottez un peu, mais c'est pas grave. Ce qui est utile, enfin ce qui est bien avec Fanbrush, c'est qu'on peut se maquiller très vite à la dernière minute et surtout c'est une sorte de rituel festif, positif. Ce sont des c'est pas l'hooligan qui vont se maquiller. Oui, je vous demande pas d'en vendre sur RTL. Si, là ça fait 10 minutes. Vous posez des questions. Oui, d'accord. Enfin, quand même, je vous demande juste de m'expliquer d'abord comment ils sont faits ces produits. C'est quoi? C'est pas de la craie? Non, c'est du gras. Ce sont des cires, ce sont des cibles grasses qu'on installe par maquillage. Un processus de moulage du maquillage, exactement. Et c'est pas mauvais pour la santé? Non. C'est fait avec quoi? Ce sont des cires, des cires grasses. Végétal ou animal? C'est naturel, il y a une partie végétale, mais il n'y a rien d'animal dans nos produits. Et votre usine, elle est où? Et vous employez combien de personnes? Mais qu'est-ce que vous avez? Et vous avez la comptabilité sur les 3 dernières années? Non, mais c'est intéressant combien il embauche. C'est Stevie du fisc. Notre entreprise est basée à Aix-en-Provence et nous fabriquons dans le Vaucluse. Vous payez combien d'URSSAF par mois? Non, mais combien de salariés? Ça, c'est intéressant, une boîte Made in France. Bah oui. Alors, nous sommes 3 salariés sur l'usine qui sur l'entreprise qui pilote les productions. Et en production même, ils sont une dizaine de personnes selon les productions que nous avons. Bref, c'est vous qui maquillez les supporters pendant cet Euro 2016. Hein, on peut dire ça comme ça, parce que toutes ces couleurs qu'on voit sur les joues, les visages des plus grands supporters, c'est vous qui avez fourni, on va dire, du blush, comment vous dites-vous? Non, fin de brush. Je dois remercier quand même Christine Bravo qui a fait une photo où elle a utilisé. Ah. Parce que je me suis dit, c'est bizarre, comment est-ce qu'elle a réussi à faire ces 3 traits aussi parallèles? Ah oui, parce qu'elle mais sauf qu'elle les a fait dans le mauvais sens. Donc cette andouille a mis le rouge en haut, le blanc au milieu. Donc il faut quand même les utiliser dans le bon sens si on veut que ça représente un drapeau. Mettez des flèches maintenant, monsieur. Merci en tout cas pour vos réponses à nos questions, monsieur Pierre Maillet, et bravo pour cette idée. Faut être malin parfois pour gagner de l'argent. Vous avez été plus malin et en tout cas plus rapide que les autres. Cocorico. Et c'est français, cocorico, c'est le cas de le dire. On mettra votre fan brush sur nos joues pour le match dimanche après-midi. Merci, monsieur Maillet. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Depuis toujours sur RTL, vous êtes nos experts du quotidien. Je m'appelais Mohamed, j'ai changé de prénom et plein de portes sont ouvertes. 13h-14h, les auditeurs ont la parole sur RTL. Faut vraiment que les politiques arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. Une heure pour témoigner, réagir et proposer vos solutions. Je paye 4000 euros d'impôts et je suis fier de les payer. RTL midi et les auditeurs ont la parole, l'info qui vous ressemble. Chaque midi dès 12h30 avec Christelle Robière et Vincent Parisot sur RTL. À demain. 12h30 sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? Ah, ils ont encore la grosse tête ici. Lidl? Ils ont le melon, c'est ça? Non, là c'est la pastèque, patron. Demain après-demain, ils envoient du lourd, hein. 1,99€ la pastèque. Ah, du lourd, en effet, ouais. Et pour nous, sacré pataquès, la pastèque à moins de 2€ pièce. Ah, là c'est vous qui êtes lourd, patron, là. Parce que moi, ça me fait pas rire la pastèque à 1,99€ chez Lidl. Eh oh, c'est bon, hein. Tu sais quoi? On fait pas le point. On est mal, oui. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Calibre 4, 4,5 kg, origine Espagne. Disney et Pixar présentent Le Monde de Dory. Retrouvez Dory, Marin et Nemo. Dory, bonjour, j'ai perdu ma famille. Où les as-tu vus pour la dernière fois? J'ai oublié. Dans une aventure inoubliable que Dory va sans doute oublier. Je me suis souvenu de quelque chose. Il était question d'un crabe ou... Non, d'une huître. Non. Un truc? Non plus. Le Monde de Dory, actuellement au cinéma. Avec RTL. Moi, j'ai une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions en magasin. Magasin ouvert même le dimanche. Tes valises? Mais on part qu'un week-end! Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping! Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles! J'ai pas pu me retenir! Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix livrables en 24 heures! Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Dis, oui, tu aimes le cinéma? Ah bah oui, bien sûr, tu vas... Alors tu vas être content. Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom offre à ses clients Bibox 20 films en VOD. Wow, 20 films en VOD sur ma Bibox Miami? Oui. Avec les pop-corn? Ah. Non mais je demande, bah tant qu'à faire. Tu es tellement drôle. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous réservons à nos clients Bibox. 20 films de légende offerts en VOD. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. RTL. La bourse en direct sur RTL en partenariat avec Les Échos et Investir. Nous retrouvons Sylvie Aubert. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Isabelle. Alors en ce jour J du référendum britannique, c'est un peu l'euphorie hein, sur les marchés. Et oui, oui Isabelle, et on aurait même pu dire le jour B. B pour Brexit. Ouais. Hein, Brexit or not Brexit, c'est la question. C'est la question. Pour l'heure, la bourse a déjà répondu. Elle est convaincue du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union. Pourtant, le dernier sondage de ce matin donne les deux camps au coude à coude. Une seule chose est certaine, le nombre de personnes sur les listes électorales a atteint le chiffre record de 46,5 millions de Britanniques. Le taux de participation devrait donc être très important. Alors revenons à Paris. Avec la hausse de 1,8% aujourd'hui, le CAC a gagné 7% en 5 séances à 4458 points. Même engouement sur les autres places européennes et à Wall Street, pareil. Le Dow Jones vient d'ouvrir dans le vert et il gagne en ce moment 1%. On ne peut toutefois s'empêcher de poser la question. La bourse n'aurait-elle pas vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, en fait? Après cette semaine rose, on saura demain, avant l'ouverture, si le marché va ou non vivre un vendredi noir. Pour les plus inquiets, il y aura un sondage de sortie des urnes ce soir à 23h, heure française. Alors du côté des valeurs, qui a gagné aujourd'hui? Bien forcément les bancaires, elles sont en pointe puisqu'elles avaient perdu du terrain depuis le début de l'année. Le secteur bancaire perdait 20%. Alors on a Société Générale, plus 4,4%. Autre valeur qui profitera d'un remain, c'est Eurotunnel. L'action gagne 4,3% et toujours hors CAC 40, Eurofin Scientifique, eh bien, ce titre est conseillé à l'achat par Goldman Sachs et l'action gagne 5%. Très bonne soirée Isabelle et à demain, on croise les doigts. Et on croise les doigts, à demain Sylvie, bonne soirée. RTL, première radio de France. RTL. Allez, nous retrouvons les grosses têtes de Laurent Ruquier avec des citations cette fois. Je dois ajouter une nouvelle somme d'argent dans la valise RTL. Christine O'Crane, c'est à vous que j'ai demandé une somme autour de 1000 euros, un peu plus, un peu moins, en fonction de votre désir, votre générosité du jour. 1001 ? Ah ben, on vient de les avoir, les 1001. Ah. Elle est pas généreuse. Hein. 1005. Oh, oh, oh, oh, quelle générosité. C'est déjà pas mal. Attends, je pense à la caisse de RTL. Voilà, elle a raison. Nous savons que c'est une maison, quand même, c'est une start-up. Moi, une fois, j'avais donné 1300, rappelez-vous. Oui, bah, Laurent s'arrachait les cheveux. Je me suis fait engueuler pendant deux semaines par monsieur Baldelli et monsieur Expert après. 1005 euros dans la valise RTL. Christine, bravo. Voilà. Ah non, pas non, plus. Christine, n'exagérons pas. Non. Et voilà, il ne reconnaît plus ses Christine. C'est pas du tout le même pif. Hein. Mais non, Christine. Christine O'Crinte, virgule, bravo. Non, quand vous ne savez pas, repérez-vous au pif. Je voulais dire bravo à Christine O'Crinte d'avoir mis 1005 euros. Là. Voilà, c'est comme ça. Et attention, hein, d'ici à demain, évidemment, quelqu'un aura ajouter encore quelque chose dans la valise RTL. Faut écouter tout, hein, Grishka. J'écoute attentivement et je rajouterai moi-même, d'ailleurs. Bah, qui sait, qui sait. Mais qu'est-ce que vous allez rajouter vous-même? Vous n'avez pas squatté l'antenne de RTL jusqu'à demain. Qui sait. Jusqu'à demain après-midi. C'est votre frère qui vient demain, d'ailleurs. C'est Igor qui vient demain. Non, Grishka. Ou Grishka, oui. Allez, une citation maintenant pour madame Monique Lefranc, qui habite Gentilly, qui a dit « J'ai une annonce à faire aux fumeurs. Pendez-vous, ça ira plus vite. » Coluche. Ah. Oh, Coluche, bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre citation pour Yacine Lamcharfi qui habite Querétaro, c'est au Mexique. Eh oui, on a des auditeurs jusqu'au Mexique. Ils nous écoutent via Internet, cela va de soi. Qui a dit « L'annuaire de la noblesse est en Angleterre le plus bel ouvrage d'imagination qu'on ait jamais publié. » Un anglais ? Alors, anglais, pas tout à fait. Un américain. Presque anglais. J'ai pas Irlandais. Compris. Irlandais. Comment ça, vous n'avez pas compris? J'ai pas compris la phrase. Ah, je vous l'explique. Je vous la répète même. Oui. Peut-être ça suffira pour que vous la compreniez. L'annuaire de la noblesse est en Angleterre le plus bel ouvrage d'imagination qu'on ait jamais publié. Bernard Shaw. C'est pas Georges Bernard Shaw. Est-ce que vous avez compris maintenant, Caroline? Honnêtement, non. Ça veut dire qu'il y a des tas de titres de noblesse qui ont été inventés, rajoutés. Bien sûr, mais pas qu'en Angleterre. C'est pour ça que je comprenais pas. Oui, mais là, il se trouve que c'est un Anglais. Enfin, quelqu'un du Royaume-Uni qui l'a dit. D'accord. Est-ce que cette personne est décédée en 1900? Cette personne est décédée en 1900. Ah, Oscar Wilde. Oscar Wilde, bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation plus compliquée, celle-là, pour Cyril Campagna, qui habite Saint-Raphaël. C'est dans le Var. Et là, attention, on va un peu plus loin dans le niveau culturel des grosses têtes. Qui a dit « Quand on est sourd, il serait juste d'être sourd et muet, car on n'a pas le droit de juger ce qu'on n'a pas entendu. » C'est français mort. Alors, c'est français et c'est mort depuis un moment, autant vous dire. Depuis 17e Lamartine. Siècle. Hein. Lamartine, non, mort depuis... C'est du 19e siècle. Ah. Mort depuis 1863. Un écrivain. Beethoven. Il était né en 1797. Écrivain, oui. Romancier, dramaturge, poète. Poe, non. Mmh. Il est mort de quoi? Oh, je sens qu'on va avoir besoin de vous, Christine O'Crane, sur cette affaire-là. Musset, non, mais on n'est pas si loin. Apollinaire, Vigny. Vigny. Alfred de Vigny, bonne réponse de Grishka Bogdanov. Alors là. C'est Alfred, en fait, qui vous a aidé, hein, c'est ça? Non, mais en réalité, Musset, c'est vrai, il y a une proximité avec Vinny, c'est vous qui m'avez aidé. Il y a le prénom, déjà, oui, comme proximité. Le prénom, en effet. Alfred. Et puis, c'est un très grand écrivain. Alfred de Vigny. Ah oui, Vigny, très grand écrivain. Il a écrit le plus bel hommage à la Lune qu'on ait jamais fait. Non, ça c'est ce qu'il dit. Ça s'appelle comment, cet hommage à la Lune? Retourne-toi. Je connais pas ce truc. Qu'est-ce qu'il a écrit sur la Lune? Non, il a écrit en fait que la Lune est comme le point sur le i. En fait. Et il a écrit ça sous une forme évidemment beaucoup plus poétique que ce que je viens d'énoncer. Ah oui. Moi, je savais pas qu'il connaissait bien Vigny. C'est intéressant, quand même. Le point sur le i. Alors. Ah, le point sur le i, quand même. Oui, absolument. La Lune. Alors, évidemment, il a été l'inspirateur de quelqu'un de très important qui est, évidemment, est un grand astronome français, qui est Camille Flammarion. Flammarion était un vrai fanatique de lectures anciennes. Sur le plan de la poésie, en particulier, évidemment, de Vigny. C'est une image du romantisme, nous dit-on, monsieur de Vigny, oui, c'est bien ça? Oui. Vous êtes un romantique vous-même, monsieur Bogdanov? Moi, ça se voit, oui, évidemment. Il incarne le romantisme, enfin. D'ailleurs, Marcel Proust comptait Vigny parmi ses poètes préférés. Ah, c'est en tout cas une excellente réponse de monsieur Bogdanov. Igor. Pardon? Igor. Non, c'est Grishka. Vous vous trompez tout le temps, Laurent. Hein. Une dernière citation pour Aurélie Gelé, qui habite Mondeville, dans le Calvados, qui a dit « J'aime tellement ceux qui m'aiment que je finis par oublier leur manque de goût. Oh. » Ah. Joli. Un homme? Alphonse Carr? Alphonse Carr, non. Allais, non. Bonchoma? Mais il sera content d'entendre tous ces noms qui lui sont comparés. Il est donc vivant. Comique, le mot ne lui convient pas tout à fait, mais quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Un écrivain? Écrivain. Journaliste. Oui, journaliste surtout. J'aime tellement ceux qui m'aiment que je finis par oublier leur Pierre manque Bénichoux. De goût. Pierre Bénichoux, non. On en a dit journaliste. François-Olivier Gisbert. François-Olivier Gisbert, non. Il est journaliste plutôt politique? Et pas seulement journaliste, animateur aussi. Non, journaliste politique, on peut pas dire. Pivot. Mais il avait sa carte de presse, il l'a toujours sûrement. Bernard Pivot. Bernard Pivot, non. Il a plus de 60 ans? Ah oui, il a plus de 60 ans. Plus de 70? Oui. Ah, Philippe Tesson. Philippe Tesson, non. Ah, Philippe, vous avez tilté. Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, oui. Bonne réponse de Laurent Baffi. Découvrez le Schmilblick et tentez de gagner 3000 euros avec l'indice bonus. Il existe un Schmilblick d'or. Répondez vite au 3674, code 64, 3 euros l'appel plus coût opérateur. Condition de remboursement sur le schmilblick.fr. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Je suis l'étiqueteuse de chez Castorama. Et pour vous encourager à aller jusqu'au bout de vos projets, je distribue les petits prix. En ce moment, ça n'arrête pas. Jusqu'au 3 juillet, ce sont les soldes d'été chez Castorama, avec jusqu'à 70% de réduction. Alors foncez! Mais attention, premier arrivé, premier servi. Sur articles signalés en magasin et sur castorama.fr, date légale selon préfecture. Le jeudi 23 et vendredi 24 juin, Leader Price frappe encore plus fort sur les prix. Le kilo de pêche blanche est au prix imbattable de 1,49€. Oui, vous avez bien entendu, seulement 1,49€ le kilo. À ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Et c'est uniquement chez Leader Price. Pêche blanche catégorie 1, calibre 61-67mm, origine France. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Avec Pierre qui court de rayon en rayon. Oui, ce sont les soldes chez Decathlon et il en profite. Randonnée, fitness, basket et j'en passe, il y a des petits prix pour tous les sports. Attention, Pierre sort du magasin essoufflé mais heureux. Oh, belle performance ! Decathlon, à fond la forme. Soldes selon date légale du département sur produits signalés en magasin ou sur decathlon.fr. Si le canapé, je le mettais plutôt ici et la table comme ça. Du coup, l'étagère, je la mettrais là et la lampe ici. Voilà, il ferme le coffre. En ce moment, c'est les soldes chez IKEA. Profitez de prix encore plus bas sur des milliers d'articles signalés en magasin. À condition de tout rentrer dans le coffre. IKEA. Dans la limite des stocks disponibles. J'ai adoré notre premier rendez-vous, Magali. C'est gentil, Pascal. Moi aussi, j'étais séduite par... L'alerte discount spécial frais. Je dois filer. Aujourd'hui et demain, le lot de deux melons charentais jaunes origine France est à 1,30€ chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. Calibre 550-650 grammes, catégorie 1, soit 65 centimes la pièce. MAFassurance, bonjour. Oui, je voudrais confirmation d'un bruit un peu fou qui court en ce moment. Je vous écoute. Imaginez-vous qu'on dit que la MAF offre 2 mois gratuits pour mon nouveau contrat auto, souscrit avant le 24 juillet 2016. Vous vous rendez compte? Bah c'est vrai. Vrai? 2 mois gratuits? C'est ça, pour votre nouveau contrat auto ou moto souscrit avant le 24 juillet 2016. 2 mois gratuits, Miss MAF, vous êtes impayable. C'est la MAF. Conditions sur maf.fr et dans les agences MAF. Mais qui se cache en coulisses? RTL. Devinez qui est l'invité mystère. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Bonjour. Elles sont si... Nounours. Méfiez-vous parce qu'une fois c'était vraiment lui. Mais non. Oui, et c'est comme ça que ça a duré 30 secondes. Oh merde. Donc là c'est pas Nounours. Remarquez, on vous surnomme peut-être Nounours parfois. Ah, ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé. Parce que vous êtes un petit peu enveloppé. C'est vous qui le dites. En tout cas, bienvenue aux grosses têtes. Mes 6 camarades vous posent toutes sortes de questions. Vous êtes un garçon. Plus ou moins bonnes, en fonction évidemment des caractères de chacun. Mais Karine Le Marchand a demandé si vous étiez un garçon. Ça, c'est tout simple. La réponse est oui. Est-ce que vous portez un pseudonyme? Pas du tout. Vous avez des enfants? Oui. Combien? 3. Quel âge? Ils sont plus adolescents depuis longtemps. Ils sont connus comme vous? Non. Vous aimez la jet set? Oh, je la regarde comme tout le monde à la télé. Vous aimez les nouilles au gratin? J'adore. Est-ce que vous êtes né en France? Oui. Est-ce que vous êtes né dans une région où on a un accent particulièrement marqué? Vous êtes né à Paris, donc. Je suis né effectivement à Paris. Donc vous n'avez pas d'accent. Est-ce que vous avez la Légion d'honneur? C'est l'accent parisien. Vous savez que les Marseillais pensent qu'on a un accent à Paris, Caroline. Oui. Mais non. Mais bah non. Si. Mais oui, mais non, on n'a pas d'accent. Oui, mais non. Bah si. Oui, mais nous, on sait qu'on n'a pas d'accent. Bah si. Sécurité, vous pouvez virer la grosse. On ne peut pas bosser, là. Hein. Est-ce que vous sentez plus artiste ou intellectuel? Peut-être plus intellectuel qu'artiste, effectivement. Est-ce que vous avez la Légion d'honneur? Pas du tout. Voici un premier indice musical qui va orienter vos prochaines questions. C'est la chanson de Jean-Pierre Madère qui nous sert pour un premier indice. Vous comprenez, évidemment, invité mystère. Ah, évidemment. Vous avez une traversée du désert importante? Vous avez disparu. Pas vraiment, non. Hein. Vous avez été enlevé par les FARC. Vous avez toujours pas mal travaillé. Depuis combien de temps, maintenant? Depuis le début des années 70. Vous voyez, quand même. Ah oui. Et vous travaillez plutôt pour les autres ou c'est vous qui êtes en avant? En général, effectivement sur le devant de la scène, on va dire. Laurent Baffy vous a déjà identifié. Quel talent. Bravo Laurent Baffy, grâce, j'imagine, à la chanson de Jean-Pierre Madère. Vous êtes écrivain? Vous publiez, en tout cas. Voilà, on peut dire ça. Mais c'est pas votre métier principal. C'est une activité. Et vous écrivez des chansons? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Non, moi je pense que vous êtes acteur, invité mystère. Et non, c'était mon rêve de jeunesse, mais non, j'ai mal tourné. Voici un deuxième indice. La scène du crime n'est pas entourée d'un cordon de policiers. Il ne faudrait surtout pas s'y fier. Le crime est presque parfait. Sur le sol, pas une seule trace de cet acte sanguinaire. Au milieu de photos de paperasse, à des lettres incendiaires, leur amour est bien mort. Leur amour est tout à fait mort. Ah, la hache, la corde au couteau. Ah, ça, c'est un bon indice, invité, n'est-ce pas? Ah oui, excellent indice. Le chanteur, je vous donne quand même le nom, chère Caroline, même si ça ne sert à rien, Sébastien Lallemand. Le titre de la chanson, vous l'aurez peut-être compris, c'est Scène de crime. Ben oui, disparu, est-ce scène de crime. Caroline Diamant m'a proposé Olivier Marchal. Êtes-vous Olivier Marchal? Désolé. Stevie me propose Duhamel Leblond. C'est quoi ça, Duhamel Leblond? Les Duhamel, les frères Duhamel, pas celui qui a sorti le livre qu'avait mis tout le monde sauf Ségolène Royal. L'autre. C'est lui. C'est un roi. Patrice Duhamel. Ah non. Je ne suis pas de la famille. Je sais pas, moi, quand je vous parle, je vois la mer. Oh. Et vous avez pas un rapport avec la mer? C'est bizarre, hein. On m'a jamais dit ça. Bogdanov. Mais vous n'avez pas trouvé Bogdanov. Mais si, mais dites-le à voix haute. Ah bah non, parce que les autres vont trouver. Il n'a pas encore compris le principe de cette émission. Mais non, c'est codé, c'est exprès. Vous avez fait du journalisme? Oui. Vous avez présenté des émissions. Ah oui. Caroline Diamant pense à Roger Zabel. Êtes-vous Roger Zabel? Et non. Je crois que j'ai une idée. Et Stevie propose Christophe Ondelatte. Êtes-vous Christophe Ondelatte? Non, je ne suis pas Christophe Ondelatte. Et Karine Le Marchand aussi pensait que vous étiez Christophe Ondelatte. Ah, c'est pas lui. Ah, Stevie pense à Jean-Claude Bourré. Êtes-vous Jean-Claude Bourré? Et non. Bah, vous êtes sur quelle chaîne? En Italie ou en France? On vous a beaucoup entendu à la radio. Aussi, oui. Qu'est-ce qu'il prend? Bogdanov, enfin. Mais vous avez un fils célèbre. Non. C'est mal écrit, mon nom. Et Stevie pense que vous êtes Olivier Mazerolle. Eh bien non. Oh, moi j'en peux plus, j'ai plus de papier. Attendez, votre activité principale, c'est d'animer des émissions. Oui. Et ben voilà, on y oui, vient. Mais oui, de mais télé. Bon. Et de radio. Oui. Ah, vous m'avez dit que vous étiez large. Mais ça, bien c'est encore sûr, autre chose. Excusez-nous. Et évidemment, Stevie propose Jean-Marc Morandini. Père de trois enfants. Caroline Diamant pense à Jean-Pierre Foucault. Oh non, mais enfin, écoutez, franchement. Attendez. On va pas faire tous les gros du paf. Je vais bientôt sauter par la fenêtre. Hein. Non, reste avec nous, on vous aime. C'est juste. Il y a un. C'est juste qu'ils sont cons, hein. Ah, ça y est, Grishka Bogdanov a enfin trouvé le nom. Enfin, il le croit. Je vérifie tout de suite. Et si c'est le cas, on va pouvoir vous faire rentrer dans notre studio. Ça y est, Grishka Bogdanov a rejoint Laurent Baffy. Non, c'est pas Roger Zabel. Ça fait déjà deux fois que je vous le dis, Stevie. Bah, j'étais où? J'étais où? Je sais pas où vous étiez. Deux grosses têtes sur six. Ah, il en faut un dernier. Alors qu'en plus, c'est quelqu'un qui travaille dans notre maison. Enfin, voyons, Grishka, Laurent, nous allons accueillir. Jacques Pradel. Pradel. Eh oui, Jacques Pradel. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Laurent Ruquier. Avant, l'été sans Chris, ça ressemblait à ça. Choux. Qui veut des choux? Choux. Mais ça, c'était avant. Chouchou. Qui veut des chouchous? Des bons chouchous. Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Pour vous, les filous. Pour vous qui n'acceptez les promotions canapés que pendant les soldes. Faites-vous plaisir. Les soldes, c'est parti sur laredoute.fr. La Redoute propose des remises incroyables. Jusqu'à moins 70% sur plus de 10 000 articles mode et maison. Puma, Jonac, Levi's et bien d'autres marques sont disponibles en un clic. Et la livraison et les retours sont gratuits. Voir conditions sur laredoute.fr. Monsieur pas compris, apostrophe monsieur papillon. À quoi ça sert de trier les petites bouteilles en plastique? Elles sont si petites, s'interroge-t-il. Monsieur papillon rétorque. Comprenez donc, monsieur pas compris, qu'il faut trier toutes les bouteilles, les petites et les grandes, car elles sont toutes pleines d'avenir. Nom de nom! Bien triées, elles seront recyclées et serviront à fabriquer de nouvelles bouteilles, des oreillers, des couettes et même des ours en peluche. Compris, monsieur, pas compris? Compris. Vous voulez savoir comment? Allez sur ecoemballage.fr. À suivre sur RTL tout à l'heure, toute l'info à 18h avec RTL Soir présenté par Marc-Olivier Fogiel qui recevra à 18h20 Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, 18h35 Laurent Voulzy qui vit à Londres et Elie Semoun qui lui joue à Londres ce soir son spectacle Brexit, or notre Brexit tout à l'heure, donc 18h35. Nous retrouvons pour l'heure Laurent Ruquier, ses grosses têtes et l'invité mystère. Jacques Pradel est bien notre invité mystère. Il n'est plus mystère, Jacques. Et il aime d'ailleurs le mystère, Jacques Pradel. C'est le moins qu'on puisse dire. Il publie, vous avez dit, étrange aux éditions Télémac, confession d'un chasseur de mystère, un peu comme mes grosses têtes aujourd'hui, qui étaient chasseurs de mystère, elles aussi. Et à partir du 11 juillet, vous serez évidemment toujours sur RTL entre 14h et 15h, mais ce ne sera plus l'heure du crime, comme actuellement, ça c'est jusqu'au 8 juillet, l'heure du crime. Après, ce sera les aventuriers de l'impossible. Donc à la chasse au mystère, effectivement. Tous les dossiers Pradel. Elle, évidemment, Jacques. Si l'on peut dire, enfin tout ce qui est inexpliqué. Hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller mettre mon nez là où c'est un petit peu sulfureux. Bon, voilà. Comment est mort je suis allé très loin dans l'exercice du métier, quand même, dans le bizarre, puisque je raconte dans, notamment dans le bouquin, comment j'ai été conduit un jour lors d'un reportage sur une secte de sorcellerie, les grands sorciers de Paris, à me déshabiller en fait et à faire mon reportage à poil, parce que sinon il n'y avait pas de reportage. Ah, voyez. Voilà. Mais il y avait ce qu'on appelle un agra, enfin vous savez, un magnétophone, dont je me suis servi en guise de feuille de vigne, quoi, quand même. C'est pas mal. Donc la morale était sauve. Monsieur Bogdanov a eu un peu de mal à prononcer votre nom. C'est pas qu'évidemment il ne vous aime pas, c'est pas que votre nom ne lui revenait pas. C'est tout simplement que voilà, il a un peu de mal avec la concurrence. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais pas que... du tout, c'est faux. Ah ben, quand je faisais, vous avez dit étrange sur une radio, vous étiez sur temps X. Hein, je... Oui. Non, mais disparu. Mais c'est... j'ai tout de suite trouvé. Mais en fait, j'ai codé le nom. Et Laurent n'a pas accepté. Ah bah non, vous avez mis Roswell. J'ai dit Roswell parce que Roswell était un moment très important. Ah, c'est le titre de mon premier chapitre. Voilà. Pour en finir avec Roswell. Et alors, il y a un chapitre qui s'appelle OVNI, l'exception française. Eh oui. Alors ça, c'est pour les Bogdanov, évidemment. Vous donnez des tas d'exemples. Faut dire qu'un OVNI, c'est jamais qu'un objet non identifié. Ça veut pas dire forcément que ce sont des extraterrestres. Mais absolument. C'est ce que j'explique d'ailleurs, parce que moi, je n'ai pas à dire si les extraterrestres existent ou pas. Bah, ils existent. Je me pose les questions. Oui, enfin, de toute façon, dans l'immensité de l'univers, je vois pas pourquoi il y aurait que la Terre, alors qu'on est même, on arrive à voir que 1% de l'espace. Voilà, mais il y a forcément, s'il y a la vie ici. C'est pratique d'avoir un mec qui sait tout. Non, mais c'est pas ça. S'il y a la vie ici, il y a forcément la vie ailleurs. Et là, on a encore repéré une planète qui est peut-être habitable. Donc, si elle est peut-être habitable, c'est qu'il y a de la vie là-bas. Donc, la vie extraterrestre existe. Oh, vivement les vacances. Christine, qu'est-ce qu'on fait? On le rend, le petit? Oh non, on le garde. Jacques Pradel, il a raison, Stevie? Oui, bien sûr, il a raison, mais il y a 20 ans, quand on disait, ce que dit Stevie, les scientifiques tordaient un peu le nez, puis maintenant, ils disent ce que vous dites, hein. L'univers est tellement vaste que, etc. Mais moi, c'est pas mon cheval de bataille. Mon cheval de bataille, c'est plutôt qu'on arrête de se moquer des gens qui ont vu quelque chose d'inexpliqué. Ils sont pas forcément bons pour l'asile. Il y a des charlatans, comme dans tous les secteurs de la société. Autrement, je serais dans un asile, parce que croyez-moi, j'en vois ici des choses inexpliquées. Ben voilà, exactement. Alors, vous savez que Hillary Clinton est fascinée, il faut absolument que je lui présente Stevie, elle est fascinée. Mais oui. Par les extraterrestres, les ovnis, elle y croit dur comme fer. Oui, mais son directeur de campagne, qui s'appelle John Podesta, a fait une conférence de presse pour dire si Madame Clinton est élue, elle va ouvrir les dossiers secrets du gouvernement américain sur les ovnis. Voilà. Ça, non, mais il y a quand même, c'est vrai, Jacques, ce que tu dis est tout à fait important. À vous, tutoyer entre fous. Oui, on était voisins d'asile, évidemment. Parce que il y a aujourd'hui un département scientifique qui a été ouvert donc au CNES, au Centre National d'Études Spatiales, et qui s'appelle le GEPAN. Et au GEPAN, donc ce sont des scientifiques qui font le relevé de tout ce qui peut être considéré comme phénomène OVNI. Et on considère aujourd'hui qu'il y a 98% de ces phénomènes qui sont aujourd'hui explicables ou qu'on peut rejeter. En revanche, il reste quand même 2% de cas. 2%, ce qui représente quand même à peu près 200 cas par an que l'on peut effectivement ranger. C'est pour ça que j'ai parlé, moi, des ovnis qui font de la résistance et je présente les quelques cas et qui me paraissent ne jamais avoir été expliqués. Jacques, jamais. Le cas le plus troublant. Le cas le plus troublant en France, ce sont des cas français. Hein, Valensole, France-en-Provence. Oui. Mais il y a un cas... On picole plus, faut dire. Non, il y a un cas extraordinaire, sérieusement. Il y a un cas extraordinaire qui s'est produit en Iran en 1976, au-dessus de la ville de Téhéran. Il y a 16 témoins visuels... Qui ont vu un chat voler. Dont un général de l'armée de l'air iranienne qui a fait décoller deux fantômes F4 pour aller au contact, pour intercepter l'OVNI. Les radars de bord ont été verrouillés sur l'OVNI et c'est un cas qui n'a pas à ce jour d'explication rationnelle. Vous avez dit étrange, c'est aux éditions Télémac, c'est un livre signé Jacques Pradel, à lire sur la plage cet été. Ou alors, vous pouvez aussi, évidemment, entre 14h et 15h, c'est tous les jours et même pendant l'été. Bon, l'émission changera un peu de titre et de dossier. Après l'heure du crime, ce sera Les Aventuriers de l'Impossible. Mais en tout cas, il est là tous les après-midi entre 14h et 15h sur RTL. Jacques Pradel, merci d'être venu chez nous l'invité mystère. À demain pour d'autres grosses têtes. RTL, première radio de France. Il est 18h. Il est 18h sur RTL. Les informations, c'est tout de suite avec vous, Marc-Olivier Fogiel. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour deux heures d'infos. Elle a une, la manif au rabais. Un petit tour du bassin de l'Arsenal et puis s'en vont. 60 000 personnes selon les syndicats, 20 000 selon la police. En tout cas, ce n'était pas la foule des grands jours qui était réunie place de la Bastille pour protester contre la loi travail. Alors le mouvement est-il en train de s'éteindre? Ou alors les syndicats sont-ils tombés dans le piège du gouvernement en acceptant ce parcours millimétré et ultra sécurisé? Dans RTL Soir, on va se poser toutes les questions. À 18h20, Philippe Martinez de la CGT nous dira s'il n'a pas crié victoire trop vite en obtenant au forceps cette autorisation de manifester. Et puis on se demandera si ça tangue entre François Hollande et Manuel Valls après la volte-face d'hier. Le 18h, Julien Cellier. RTL Soir. Bonsoir Julien. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les autres titres de l'actualité. C'est le D-Day, le futur du Royaume-Uni s'écrit en ce moment même. Ça se bouscule dans les bureaux de vote. D'un côté les pro-Brexit, de l'autre les pro-Europe. J'ai voté pour le Brexit, il est temps de reprendre le contrôle. Décidons de notre futur. Et à cause de l'immigration aussi, parce que c'est de pire en pire. J'ai voté pour rester, parce que je crois que c'est en Europe que se trouve l'avenir de l'Angleterre. Je ne vois pas comment elle pourrait survivre hors de l'Union européenne. Les marchés justement parient sur une victoire du Remain, plus 1,23% à la clôture à Londres, plus 1,96% à Paris. À la une également, une tuerie évitée en Allemagne, un homme armé s'est retranché dans un cinéma avant d'être abattu. Une fillette de 3 ans tabassée à mort dans la Drôme, le suspect, son beau-père, un récidiviste qui venait de sortir de prison. Dans ce journal, direction aussi Dublin, J-3, avant le 8e de finale de l'Euro France-Irlande, l'Irlande qui n'a pas oublié la main d'un certain Titi Henry. Les courses à la teste de but qu'il fallait jouer le 17, le 13, le 15, le 4 et le 12. Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, Brexit, le jour d'après, et si c'était le out qui l'emportait, que va-t-il se passer? Quel est le plan en cas de sortie? Puis direction les coulisses de l'actualité, Canal+, dernière ce soir de Yann Barthès, dernière demain de Maïté. On vous emmène en coulisses du petit et grand journal avant que les lumières ne s'éteignent. 18h30, Alain Duhamel, Brexit, hors note Brexit, les conséquences pour l'Europe. 18h35 justement, Two Froggies au pays des roast beef, le regard de Laurent Voulzy qui vit à Londres et Delly Semoun qui joue ce soir à Londres justement. 18h50, Laurent Gérard, après 19h, on refera le monde. Bonsoir Louis Baudin. Bonsoir Marc-Olivier. Et les averses se décalent vers l'est et les températures baissent un peu, tant mieux. Exactement, oui, tant mieux. C'est vrai qu'on a dû dépasser fréquemment les 30 degrés aujourd'hui. Ce ne sera plus le cas demain dans la moitié ouest où on va retrouver un air plus respirable avec de belles éclaircies. D'ailleurs, les orages vont avoir tendance à se décaler vers l'est. On les retrouvera le matin du sud-ouest. Le risque d'orage du sud-ouest au nord-est. Et puis l'après-midi, entre le massif central, la Bourgogne, toutes les régions du nord-est, quelques orages également sur les Pyrénées ou encore les Alpes. Mais donc, dans les autres régions, plus à l'ouest ou près de la Méditerranée, c'est bien le soleil qui s'imposera. Les températures donc un peu plus raisonnables, entre 20 et 25 degrés l'après-midi dans la plupart des régions et encore 30 degrés parfois dans les régions de l'Est. Merci Louis Baudin. RTL Soir. Un défilé à minima, 95 interpellations en amont et finalement aucune casse, manifestation calme et clairsemée contre la loi travail à Paris, Julien. Il faut dire que 2000 policiers ont quadrillé un parcours restreint, très restreint même, de Bastille à Bastille, une boucle d'1,5 km autour d'un bassin avec un dispositif inédit, fouille des sacs, contrôle d'identité avant même l'accès au cortège. Conséquence, une ambiance surréaliste, Gauthier Delambugard. Oui, effectivement, avec des barrages filtrants dans toutes les rues qui mènent à la place de la Bastille, avec de grandes grilles anti-émeutes. Toutes les stations de métro ont été fermées pendant près de 3 heures. Et pour Lise, militante FO, cette manifestation s'est déroulée au milieu d'une forteresse. Moi, je me sens cage, là. J'ai envie que ça soit autre chose, la manifestation. Moi, j'aime pas tourner en rond, j'aime bien avancer. Des mesures gênantes pour cette militante, mais il n'y a pas eu d'incident majeur. Ce qui fait dire à Pierre, militant CGT, que le dispositif de sécurité a bien fonctionné. Il y a eu un filtrage intelligent qui a été fait. Je n'ai pas, à l'heure qu'il est, en fin de manifestation, vu de casseurs. Et la manifestation s'est déroulée normalement, très tranquillement. Il y a quelques minutes, il y a tout de même eu des jets de canettes sur un camion de gendarmerie, mais les forces de l'ordre sont intervenues rapidement pour éviter que cela dégénère et les gendarmes sont en train d'évacuer la place. Gauthier, le parcours assez court laissait craindre un engorgement. Finalement, le cortège était plutôt clairsemé. 60 000 manifestants d'après les syndicats, 20 000 d'après les autorités. Oui, il a fallu à peine 2 heures aux manifestants pour parcourir les 1,6 km autour du canal de l'Arsenal avec, il est vrai, une foule beaucoup moins importante que lors des dernières manifestations. Clara, étudiante en médecine, est déçue. On est vraiment moins nombreux parce que je pense que ça a dû décourager pas mal de gens. Bon, c'est vrai que c'est un peu humiliant en fait. Des militants